J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la mif qui m'entoure. On dit que j'ai prié, alors j'attends mon tour. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Un des rappeurs qui tape un des plus gros buzz actuellement. On l'écoute sur Skyrock toute la journée, MHD avec Maman j'ai mal. Ouais, ouais, ouais. Les meilleurs moments du morning de D-Fool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Ouais, ouais, ouais. 5h59. Bonjour à vous tous, bienvenue. On est mardi matin, le 5 juillet. J'espère que la nuit a été bonne. Il se passe plein de choses. Il y a notamment un big up spécial à tous ceux qui attendent les résultats du bac. Ça va tomber dans 4h précisément. On va passer une nouvelle journée, nouvelle matinée tous ensemble. Morning Best. On se refait l'année de D-Fool et Romano. Tout ce qui vous a fait le plus marrer tous les matins sur Skyrock dans le morning de D-Fool, grosse matinée encore ce matin avec le réveil de Star. Ça sera 6h15, 7h-10, 8h-10, 7h15, 8h-10 et 9h-10 avec au programme ce matin les réveils de Star de Stéphane Plaza, Jason Statham ou encore Fox Mulder. Votre horoscope de l'amour, ça sera tout à l'heure à 7h-10 dans la matinée au programme les conseils pas chers de Romano. Une nouvelle journée Rihanna aussi qui débute sur Skyrock. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. On est à J-10 maintenant de l'arrivée de Riri, Rihanna en France, l'artiste la plus jouée de toute l'histoire de Skyrock. 60 semaines passées en tête des ventes de sons aux États-Unis. Elle a battu le record des Beatles. Elle sera le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, à Lyon, ensuite à Lille, au Stade de France, à Paris-Saint-Denis. Il y a des invites. Elles sont ici à Skyrock. Elles sont dans la roulette. Et promis, il y aura une première roulette à stopper en direct d'ici à 9h du mat. On va retrouver Sopra pour attaquer la matinée. Soprano avec qui était venu, qui était passé dans le morning de D-Fool. Avec D-Fool et Romano qui lui avait préparé une surprise, la surprise de Sopra. C'est juste après le son de Mike Posner qu'on écoute tout de suite. Mardi 5 juillet, c'est avec Tucker Pellini Ibiza. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, sad songs, sad songs. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I I cut them all loose and work's my excuse, but the truth is I can't open up. If you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Le matin sur Skyrock dans le Morning Best avec Tuk Pelini Bizarre. On vient d'écouter Mike Posner, on prépare Rihanna, les Fugees ou encore Ritza, et le Morning Best avec les meilleurs moments du Morning de Difool, Difool et Romano, que vous retrouvez maintenant avec Soprano sur Skyrock. Il est 6h05, 6h04. Le replay du Morning de Difool. The Morning Show. Quelles conneries vont-ils encore faire ce matin? Eh ben, on en a une petite à te faire écouter maintenant, Soprano. Oh là là. Écoute bien, tu me dis si tu es d'accord. En tant que manager officiel du prince du hip-hop de Romano, j'ai quelque chose à te proposer. On a travaillé un petit peu sur un projet parce que on a l'habitude, quand tu viens dans Planète Rap, quand tu viens dans la Radio Libre ou dans le matin, dans le morning, tu te parles de tes projets. C'est quoi tes projets? Petit projet sympa. Écoutez bien, c'est parti. Bon, une petite pub, page de pub exceptionnelle. Exceptionnelle. Allez, on y va. Skyrock, les productions Lapins et Arnaque Corporation présentent le Sopramano Mix. Romano, alias le prince du hip-hop, reprend les plus grands titres de Soprano sur un même album. C'est bon. Avec l'incontournable millionnaire. En moi milliardaire. La la la la la la la. Fresh Prince. Difool, remets-nous du pognon. Difool, remets-nous du pognon. Cosmo. Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paye. Montre-moi comme tu es. Ce soir ton portefeuille est exigé. Le Sopramano Mix disponible uniquement en téléchargement légal. Toute personne qui s'amuse à le télécharger illégalement s'expose à des morsures du chien de Romano, à des poursuites judiciaires et du fric à payer. Parce que Romano, lui, il chante pas gratuit. Le Sopramano Mix, premier sur l'arnaque. Tu le sais, je suis radin. Oula. Alors, est-ce que tu me donnes ton accord? Parce qu'on a préparé le contrat, ça, pour le Sopramano Mix. T'as vu? Mais quelle voix! Oh là là! Quel charisme! Non, mais quelle voix de merde! Je pensais pas que je chantais aussi mal, en fait. C'est vrai, parce que. En général, quand il chante, il s'entend pas. Mais nous, on l'entend bien. Ouais, mais là, je me suis bien entendu. Alors, des fois, quand même, il était calé sur le temps. Toute l'équipe de production de Skyrock s'est mis dessus. Donc, millionnaire devient milliardaire, si j'ai bien entendu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Difool, remets-nous du pognon à la place de Jeffrey. Et le troisième, c'était. Attends, du coup. Montre-moi comme tu es. C'est Cosmo, ouais. C'est Cosmopolitan. Ce soir est un jour de paye. Ce jour de paye, ouais. Tu es ton portefeuille. Non, il t'a remixé ça pas mal. Et Barman, il va faire quoi? Ils vont me payer. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk away, those who correlate know the world they kick, jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, I kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. gonna find you and take it slowly. Ready or not, oh, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got, oh baby. Hey baby, cause I got a lot, oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know, oh baby. Hey baby, you can't hide from the bag, oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you. Fugees sur Skyrock avec Crédit en Note, c'était en 1996, classique sur Skyrock. 6h10 mardi matin, courage pour le taf, deuxième jour de la semaine, pas forcément le plus évident. On est là pour vous mettre bien, vous remonter le moral avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le morning de Difool, les meilleurs moments à se faire tous les matins dans le morning best avec le réveil de star de Stéphane Plaza. C'est maintenant et Calvin Harris avec Rihanna derrière pour This Is What You Came For. Bonne journée à vous, bon réveil. Vous êtes peut-être dans votre chambre en train de nous écouter. Eh bien, on vous salue. Vous êtes dans votre lit. Dans la salle de bain. Vous avez de la chance. Ah, toi, tu veux qu'on soit dans la salle de bain. Romaneux veut que vous alliez tout de suite dans votre salle de bain. Si vous êtes dans votre lit, vous sautez immédiatement. Romaneux, il veut de la salle de bain ce matin. Ouais, allez, plus vite que ça. Allez, dépêchez-vous de la salle de bain. C'est quoi la pièce préférée de votre appartement? Si vous deviez en garder qu'une, vous prendriez laquelle? Bah, le salon. Tu prendrais le salon, pourquoi? Bah, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est vrai, t'as l'équivalent d'un lit, c'est le canapé. Ouais, c'est ça, mais canapé-lit. Je rappelle d'ailleurs que Romano est passionné des canapés. Passionné, a une passion dans sa vie, c'est les canapés. Je suis canapéophile. Tu es une canapéophile, mais canapé au cuir en fil, au cuir au fil ou pas? Ah, ça dépend, j'ai eu un en cuir, mais finalement là, je suis repassé au tissu. T'es plus canapé à tétière au fil? Les tétières, pareil, j'en ai eu. C'était pour me caler la tête. Ouais. Mais, parce que elle tenait mal. Ouais. Non, la tête qui tombe comme ça. Mais ça aussi, j'ai arrêté parce que j'ai eu que des galères avec le cuir et les tétières. Voilà, moi, ma pièce préférée, c'est la cuisine. Je suis sûr que t'es une fille. Mais oui, Bérénice qui nous envoie un message. Moi, j'aime bien aussi ma cuisine. T'as vu, Bérénice, je lis ton message, j'avais pas vu qui nous l'avait envoyé. Hop là, et je t'ai repéré une fille. Carriole, c'est ta cuisine. Ouais, ma pièce préférée. Avec ou sans laisse? Pourquoi? Non, c'est une petite blague, c'est pas grave. Non, mais laisse tomber, elle ne comprend pas. Non, mais tu voudrais vivre dans ta cuisine? Ouais, laisse-la. Non, mais j'aime bien, ça me détend. Laisse-la vivre dans sa cuisine. Et d'ailleurs. Non, mais on te laisse une pièce, tu gardes la cuisine. Elle garde la cuisine. D'ailleurs, Romano, on disait tout à l'heure que le salon, c'était bien parce qu'il y avait le canapé, la télé, tout ça, mais dans la cuisine, tu as. Limite comme une baignoire, l'évier, c'est pareil. Ouais, pour moi, bah, c'est même une piscine olympique. C'est même une piscine olympique. Hein, tu as lave-vaisselle. Avec genre, c'est Aqualand. Ouais. Avec le robinet au-dessus qui me coulerait dessus. Ça serait la folie, classe. Votre pièce préférée, Carriole, la cuisine, Romano, le salon, Cédric, c'est quoi? La cuisine. La cuisine pour pouvoir manger tout le temps. Ah, manger et boire. Oui, puis ça sent mauvais dans ton salon. Non, ça sent bon. Alors, Romano, il m'a dit que c'était sale. Non, mais il dit n'importe quoi. Mais en plus, ta cuisine, mais elle est toute petite, t'arrivais. Bon, bah laisse-le choisir sa cuisine. Oui, non, mais bon, après. Moi, ça sera mes toilettes. Tiens, c'est pour Féo. C'est vrai que, imaginez, vous vivez dans votre salon, c'est la seule pièce de votre appartement. Vous êtes dans la merde, parce qu'il faut bien les chier à un moment ou à un autre. Bah non, moi, je suis par la fenêtre. Et tu manges où, oui? Bah je mange dans la cuvette. Ah, tu commandes des trucs. Bah tu dans la cuvette du salon, c'est ça, carriole. Mais oui, c'est ça. Ça va être sympa la nouvelle déco là. Féo, moi c'est les toilettes là, l'endroit préféré, je lui ai dit. Ouais. La chambre avec des belles meufs dedans, c'est le message de Rimka. Les seuls endroits ouais, mais ça, où je suis tranquille, dans l'équipe américaine les seuls endroits où il est tranquille, Baptiston, c'est les WC. Lui, ben il y en a plein qui choisiraient les toilettes, vous voyez. Ouais, mais Jérém là, c'est l'endroit où il fume lui. La cuisine ? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il prendra la cuisine. C'est ça. Merci. Mais je comprends pas moi, parce que par exemple les toilettes, mais c'est minuscule comme pièce. Oui, mais au moins t'es tranquille parce que t'as un verrou. Ceux qui sont dans des, ceux qui sont en famille, le seul endroit où ils peuvent être tranquilles, c'est les toilettes. Ils se mettent dans les toilettes. Ah ouais, mais raison, bon, bon, ton espace vital est quand même réduit. Hein. C'est un peu limité, on va dire. Ça, ouais, c'est... Bah, t'as vite fait le tour de la propriété. Exactement, quoi. Oui, c'est limité au niveau du. Ah ouais, c'est limité. Et Karine, ta pièce préférée, c'est quoi? Bah comme tout a été dit, moi je dirais le balcon. Le balcon. Pour faire pousser des tomates. Puis c'est bien cette saison. Oui, en plus. On est très très bonne. Pas avoir froid, prendre la clé. Ouais. Et bien voici le spécialiste des appartements ce matin sur Skyrock. Vous le savez, tous les matins vous retrouvez une star qui est mise en contact avec une famille. Skyrock offre ce petit plaisir aux familles de France dans le French Test. Les familles de France mises en contact avec Stéphane Plaza. Stéphane Plaza de maison à vendre, maison à louer, recherche appartement ou maison. Oui, on a quand même pris le plus sérieux. Hein. Il fait tout lui. Bah oui, c'est bien ça. Donc je vous demandais votre pièce préférée. On va voir ce qui se passe dans la famille de Cyril. On leur a passé un petit coup de fil. Voici Stéphane Plaza. Bonjour d'ailleurs Stéphane, on t'a pas salué, excuse-moi Stéphane. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien, tranquille. C'est Stéphane Plaza, vous l'avez reconnu. Ouais, oui, moi c'est Difool. Oui, moi c'est Stéphane. Oui, je sais, Plaza, oui. C'est Stéphane ça, ouais. M6, oui. Oui, une petite question à poser. Quelle superficie il fait? Ah oui, non mais ça, je sais pas, j'ai pas calculé la superficie du Cédric, studio. C'est 5 mètres cubes. C'est parti, on va donc chez la famille de Cyril. Stéphane Plaza et Cyril ce matin dans le morning. Allô. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Stéphane. Oui, bien sûr. Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur? Ouais. Oui. Quelle superficie il fait? Il fait 120 mètres carrés au sol. À quel prix vous essayez de vendre? On le vend 150 000, pourquoi vous n'avez pas vu l'annonce? 150 000 euros net vendeur. Oui. On a une cuisine insalubre. Ah, vous trouvez qu'elle en sale état la cuisine? Insalubre. Il n'y a plus de peinture, c'est noirci. On se demande s'il n'y a pas un dégât des eaux, si c'est pas humide. Si. Ouais. C'est noir, on se demande s'il n'y a pas un dégât des eaux. Mais c'est pas noir, il n'y a pas eu de dégât des eaux dans la cuisine. Hein, On se demande si c'est pas un appartement insalubre. Insalubre. C'est qui au téléphone là? Moi c'est Stéphane. Non. Si. J'ai les fils qui pendouillent en haut, j'ai les fils qui sont scotchés en bas. Il y a les fils partout. Est-ce que tu penses qu'on est rassuré dans ton appartement et j'en suis qu'à l'entrée? Alors? Hein? Une machin, c'est parti. Vous avez pas autre chose à foutre? Vous prenez pour qui, là? Ah. Moi, c'est ah. Stéphane. Lui, c'est Cyril. Stéphane, vous prenez pour qui, là? À appeler les gens à 7h30? On se demande si c'est pas un appartement insalubre. C'est insalubre. C'est vrai, bah, je sais pas, enfin, votre gueule, j'ai pas vu votre gueule, elle doit être bien dégueulasse aussi, je pense. Vu la voix, à mon avis, votre gueule, elle doit être aussi dégueulasse, voire pire que mon appartement, je pense, à mon avis. C'est quasiment sûr. On continue? Non, mais, enfin, après, on a une vie sociale, on a un peu autre chose à foutre que de parler à un gamin, d'accord? Bah, écoute, voilà, bah, après, le jour où t'auras l'argent pour t'acheter ce genre d'appartement, tu pourras la ramener, hein, d'accord? Maintenant, après, va déjà essayer de trouver un petit peu de sous, va travailler, je pense, et puis bouge-toi les doigts du cul, quoi, hein. Voilà, ok? On va revenir à nos moutons à la vente de cette maison. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, on a un peu autre chose à foutre que ça. Bon, allez, je te laisse fumer tes joints et jouer avec tes copains. D'accord? Nous, on a un peu autre chose à foutre, je te remercie. C'est assez jubilatoire de voir quelqu'un s'énerver et craquer comme ça aussi vite. Il a craqué. Ah non, je m'énerve pas du tout, c'est juste que ça me fait rigoler, la niaiserie des gens. Et après, il faut avoir l'argent dans un porte-. Avoir l'argent. Si je pense qu'à mon avis, ça doit être loin d'être votre cas. Mais bon, après, voilà, je vous laisse, on a un peu autre chose à foutre, quoi. C'est pas la peine de le rappeler, sinon je pense qu'après, il y aura des petits soucis derrière. Ok, voilà. Merci, au revoir. Mon appartement, je m'y connais. Ah ouais, bah, non, mais c'est très bien. Et aussi en tête de con et au voix au téléphone aussi, donc je pense que la vôtre elle est parfaite, quoi. Je m'y connais très très bien, donc ça là-dessus y a aucun souci. Allez, on vous laisse, on a autre chose à foutre, merci, on va raccrocher, en bas. Salut Cyril. Cyril, attends, quand on a 150 000 euros dans le portefeuille, on peut l'appeler, hein. Sinon, on la ramène pas, attention. Hein. Cyril et son appartement insalubre, 250 000 euros. Ah bah ça, c'est, ouais. Hein, c'est un boui-boui le truc. C'est d'après, d'après c'est ce que nous a dit Stéphane Plaza. Ah non, mais ça, c'est sûr, c'est un boui-boui. Il y a des câbles partout. En plus, Stéphane Plaza, c'est quand même le spécialiste. Hein. Ah, le spécialiste de l'immobilier. Quand tu auras de l'argent dans ton portefeuille, tu rappelleras. Voilà, plus, mais Stéphane Plaza, il a décrit mon appartement. Ah non, du tout. Ah, et en plus, s'il avait, pas, s'il avait su qu'il parlait quand même à Stéphane Plaza, qui est très, très, très riche. Ah ben, bah, la star de la télé des M6. Ah, il est blindé, Stéphane Plaza. Ah, je sais pas, mais. Il fait des affaires, ouais, il vend des appartements, ouais, tout ça. Attends, tu crois quoi, Romano, là? Ah, bah, je pense bien, oui. On remercie Cyril et les familles, où que vous soyez ce matin, dans n'importe quelle pièce de votre appartement. On vous salue. 6h-9h. Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Calvin Harris sur Skyrock. This is what you came for. 6h21, on est à J-10 de l'arrivée de Rihanna en France. Rihanna, tout simplement l'artiste la plus vue de tous les temps sur le net, 6 milliards de vues. Une tournée Skyrock en préparation. Nice, Lyon, Lille et le Stade de France à Paris-Saint-Denis. Oui, il y a des invites à gagner en ce mardi matin sur Skyrock. Dans la roulette, ça va tourner en direct d'ici à la fin du Morning Best. Morning Best au taquet pour attaquer la matinée avec les meilleurs moments du Morning de Difool. On va avoir une pensée toute particulière à ceux qui attendent les

Salut Sofiane. Salut Sofiane. Bonjour Sofiane. Ouais, Sofiane. Comment ça va, Sofiane? Quoi? Bah écoute, ça va bien. Ça va. Ça va, ça va, t'as été le premier. Vous êtes plein à avoir trouvé la bonne réponse, hein, quand même. Bravo à vous. Ouais. On vous a posé une question. Si vous venez de vous réveiller, je vous rappelle. La petite story que je vous ai racontée il y a un instant, c'est passé dans le Nord, à Armentières. Il y a des lycéens de deux lycées de la ville qui sont arrivés en retard et ils ont ramené un mot d'excuse assez original. Alors, c'est pas les pompiers, c'est pas la police, c'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière, c'est pas les parents, c'est pas le petit frère, c'est pas le président de la République. On m'a proposé François Hollande. C'est pas François Hollande. C'est vrai qu'il avait fait un mot d'absence pour des Bordelais, je crois. Ouais. Quand il était allé du côté de Bordeaux. Et il y avait Barack Obama aussi qu'il avait fait aux États-Unis. Exactement. Eh bien, c'est qui a fait un mot d'absence? C'est à toi de donner la réponse. C'est à toi, Sofiane. C'est à toi. C'est ton moment. Vas-y. C'est le mec du grec. Oui, c'est le mec du grec du coin. Le mec du kebab du coin qui a fait un petit mot d'excuse. Ah bah, il est gentil. Ouais. Il est sympa, c'est devenu une star là-bas dans les deux bahuts. Tu m'étonnes. Hein. Voilà, il s'appelle Mourat. Il est propriétaire d'un kebab situé juste entre les deux lycées. Et la semaine dernière, il a signé des mots de retard aux élèves, des mots d'excuse. C'est quand même pas mal. Eh oui, parce que les frites n'étaient pas encore cuites. Ouais, il a fallu le temps. Hein. Il y avait l'air de l'attente. Et oui, pour bien travailler, il faut avoir le ventre bien plein. Ah bah ouais. Voilà, bien joué Sofiane. 300 euros pour toi. Mais attention. Oh, calme. 300 euros. Oui, par contre, ça peut vite descendre. Oui, il faut les garder. T'as 30 secondes dans le chronotune, puisqu'on va jouer au chronotune. 30 secondes pour me trouver. Attention. Ah, d'abord, jingle, tu voulais mettre Romano. Ouais, mais c'est bon. Ah, d'accord. 30 secondes pour me trouver 5 ingrédients. Oh, allez, oui, 5 ingrédients qu'on peut trouver dans un kebab. Alors, attention, 3. À chaque seconde, tu perds 10 euros. C'est parti. 3, 2, 1, top! Des oignons, des tomates, de la salade, du ketchup, de la viande. Eh ben, c'est bon. Eh ben, c'est bon. Nickel. 23 secondes, ça fait, 230 euros. Bravo! Tu gagnes 230 euros, Sofiane, c'est bien. Ouais, bravo! Ville de merde, tu me aïe. Tu sais que tu m'as fait peur, tu t'es arrêté, tu m'as fait salade tomate oignon. Ouais. Il y a eu un blanc et derrière tu m'as fait viande ketchup et là c'est bon. Ah c'est bon, bravo Sofiane, t'as gagné. 230 euros pour toi. Et on salue Mourad d'ailleurs, j'espère qu'il écoute Skyrock dans son... grave, il a su. Il s'appelle Artemis, le kebab. Le kebab Artemis, allez y faire un tour, demander des mots d'absence, ça marche. Ouais, c'est bon, il a un carnet pour les faire. Un menu et un mot d'absence. Merci Sofiane, on te souhaite une bonne journée. Ah bah bravo Sofiane. Merci à vous aussi. Salut Sofiane. 6h-9h, Morning Show, le morning de Default sur Skyrock. Ouais, les meilleurs moments jusqu'à 9h dans le Morning Best. Avec du gros son aussi. Designer le New Yorkais dans quelques secondes, la chanson du Panda, Maître Gims aussi avec ma beauté. Il est pratiquement 6h30, j'espère que tout va bien en ce samedi matin. Tiens, il y a Pauline HRB qui demande si Difool et Romano sont en vacances. Non popo, ils sont pas en vacances, ils seront en direct ce soir à partir de 21h pour la radio libre. Il y aura notamment le double appel et les nouveaux bugs de Romano à découvrir. Là on sait les meilleurs moments de l'émission, on va parler des objets qui servent à rien. Quels sont les objets totalement inutiles? On a un spécialiste dans le studio, c'est Rémi qui a plein d'objets. Toi, par exemple, t'as les disques d'or des rappeurs américains. Ah ouais, j'adore ça. Ouais. Ça ne sert strictement à rien, mais tu en as plein chez toi. Voilà, on va parler de tout ça. Tous ces objets qui servent à rien. On parlera aussi des drogués du téléphone juste après l'actu et le sport. On y va tout de suite. Un point sur la météo. Mais c'est nuageux dans l'ensemble, même gris sur le nord ce matin avec des averses possibles. Pas ou peu de pluie aujourd'hui, sauf peut-être sur le sud-ouest ce matin. Bon, ça ira mieux au fil des heures avec le retour du soleil quasiment partout et principalement sur la pointe bretonne et l'arc méditerranéen. Les températures 13 degrés à Lorient, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Limoges, 16 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Toulouse et 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 à Brest, 21 à Lille, 22 à Alençon, 23 à Nantes, 24 à Paris, 25 à Bordeaux, 27 à Nevers, 29 à Marseille, 30 à Lyon et 33 à Manosque. La pollution et c'est largement respirable aujourd'hui. Les indices sont compris partout entre 3 et 4. Il y a l'horoscope de l'amour aussi qui arrive dans moins de 20 minutes et là c'est parti pour l'actu. Et la nuit a peut-être été courte pour les 700 000 candidats au bac. Les résultats tombent ce matin entre 8h et 10h selon les académies. Comme chaque année, il y aura les heureux, les déçus, les sceptiques aussi. Certains seront en vacances dans quelques heures et d'autres devront aller pointer au rattrapage. Les oraux commencent dès demain. 88% des candidats ont décroché leur diplôme l'an dernier. On verra cette année si ce bon résultat se répète. Et puis un bon plan, que vous ayez le bac ou pas, vous faites peut-être partie des personnes qui ne savent pas trop quoi faire après le lycée. Le salon de l'étudiant s'ouvre demain et pour deux jours à l'espace Champagne.

crazy, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, phantom. Why you see, panda. Packers full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. The nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Panda. Panda. Panda. La chanson du panda, une découverte Skyrock à 6h37, mardi matin, le jour pas forcément le plus évident de la semaine. On a encore l'impression d'avoir une montagne à gravir pour arriver jusqu'au week-end. Heureusement, nous on est là pour vous mettre bien dès le matin avec toutes les conneries de Difool et Romano, les meilleurs moments du morning de Difool tous les matins sur Skyrock dans le Morning Best. On va parler des accros du téléphone dans moins d'un quart d'heure. Là, on se fait un nouvel épisode avec Difool et toute l'équipe. Maître Gims, Ma Beauté et Justin Timberlake qui arrive aussi pour le son avec Can't Stop the Feeling. On va s'occuper des objets que vous avez achetés et qui servent à rien. Mmh. Qu'est-ce que vous avez chez vous qui sert absolument à rien, Cédric? Moi j'avais un... Des capotes, tu as des capotes chez toi. Ça te sert jamais. Ça me sert de temps en temps. Ah bon? Ah bah oui quand même. Pour faire des bombes à eau. Ah d'accord, ok, très bien. Là je m'étais acheté un aspirateur robot, je m'en suis servi 3 fois, je l'ai revendu. Un aspirateur robot, c'est vrai. Oh, je te moque pas, dis foule. C'est vrai que ma mère m'en avait acheté un aspirateur robot pour mon anniversaire. Je l'ai utilisé un certain temps, après ça saoule. Ouais. Moi, je te dirais, rien ne vaut une femme. Exactement, c'est Romano. Vrai. Merci pour ce message qui rend hommage à toutes celles qui nous écoutent ce matin. C'est pour vous, les filles, et vous embrasse. Les filles, vous êtes plus fortes que l'aspirateur. C'est vrai, merci. Qu'est-ce que vous... Romano, toi, Kirada, t'as déjà acheté un truc qui ne sert à rien? Non, mais avec Cariole, on a acheté des trucs, je sais pas, des trucs de cuisine qui servent à rien. Du style. Par exemple, on avait acheté une machine à pain. Ouais. Eh ben, on s'en est servi 2 fois. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'une machine à pain, c'est sympa. Mais c'est long. Mais entre le moment où tu te dis, tiens, je mangerais bien du pain, il faut attendre 4 heures avant qu'il cuise. C'est normal, hein. Donc, c'est un peu long. Une trancheuse aussi, on a. Ouais, moi j'ai déjà acheté. En fait, c'était mes parents au téléachat. En fait, c'est un appareil de pour perdre du poids. En fait, c'est une sorte de. Tu ne l'as pas assez utilisé. Non, mais ça marchait pas. C'était une sorte de tapis de course et tu mettais une ceinture autour de toi. Et ça faisait des vibrations. Ouais. Et bah ça a terminé. Il a jamais vibré. Comme porte-manteau quoi. On vous parle d'un objet qui sera bientôt d'ailleurs dans le téléachat. C'est le soutien-gorge vibrant qui te fait gagner une taille en seulement 7 jours. Bon, on pense que c'est une escroquerie, mais on va chercher des testeuses là dans toute la France. Ou des testeurs. Ou des testeurs, hein. Ouais. Cédric, pas tester. Oh non, ça va. Toi qui es la plus grosse poitrine de l'équipe. C'est vrai. Non, mais plus que Cariole. Mais Cariole est jalouse d'ailleurs. Ah oui, bat Cariole. Ah bah oui. Elle est jalouse. Grave. Il y a Laura qui est avec nous en direct. Bonjour Laura. Vous pouvez nous appeler à 01 53 43. Salut Laura. Salut Laura, bienvenue sur Skyrock. Merci. Alors tu es à Croix dans le 59. Oui, c'est ça. Et tu as déjà acheté quoi comme objet qui sert à rien? Nous, c'était un vélo elliptique. Un vélo elliptique. C'est quoi ça, un vélo elliptique? C'est la salle de sport. On fait aller les bras et les jambes en même temps qu'on pédale dans le vent. Ah, d'accord. T'es pas assis, ouais, t'es debout. Vélo elliptique, c'est donc avec les jambes et les bras en même temps. Ouais, c'est comme. Ah ouais, voilà. T'as deux espèces de manches que tu tiens et qui vont en avant, en arrière, là. C'est ça. C'est pour faire tout travailler, le haut et le bas. Et alors, ça marche bien, le vélo elliptique? Bah, pas trop. Mais en fait, déjà, on l'avait reçu tout démonté et tout ça. Ouais. Et quand on fait pour le monter avec la notice? Alors, il n'y avait aucune notice en français. Alors là... Un petit challenge, quoi. Bon courage. Donc, on avait galéré à la montée parce que tout. Bah, en fait, il n'y avait rien en français, quoi. Et on l'avait acheté sur téléachat. Ouais, et donc tu l'as pas renvoyé parce que t'as un mois pour renvoyer parce que vous êtes tous tombés sur les émissions de téléachat dimanche matin, il y a que ça à la télé. Ouais, c'est vrai. Et ils disent que tu peux renvoyer le machin, tu l'as pas renvoyé toi. Non. Donc tu as un magnifique vélo elliptique qui ne sert absolument à rien, qui est monté à l'envers. C'est super, un objet bien pratique. Bien pratique. Tu veux pas tester le soutien-gorge serbe là dont on parlait, le soutien-gorge vibrant qui te fait gagner une taille en seulement 7 jours? Franchement non, ça peut aller. On est obligé d'aller chez les familles. C'est bien dommage parce qu'en cadeau t'avais une maladie de la peau. Oui. Ça, c'était pas cher. Et une torsion du sein qui te fait gagner une taille. C'est quand même pas mal, un bonnet, c'est bien. Il y avait eu une histoire il y a quelques années là. C'était pas au télé-shopping, mais je crois que c'était chez Conforama. Là, ils avaient vendu des fauteuils fabriqués en Chine. Mmh. Et quand tu t'assieds dessus, ça te brûlait la peau. Mmh, sympa comme tout. J'ai eu des histoires et tout. Et bien, j'avais rappelé tout un stock. Il vaut mieux tester notre soutien-gorge. On va donc aller faire un tour chez les Français. Oui, ça ne te brûle que la poitrine. On t'embrasse, Laura. Bisous. Merci beaucoup. Et on t'envoie le maillot des bleus, tu quittes pas. Gros bisous. Attention. Bisous. Oui, bonjour monsieur. Allô Xavier. C'est Xavier ? Oui, c'est Xavier. Oui, bonjour, salut. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour Xavier. Je suis avec un collègue, nous travaillons pour le télé-shopping pour TF1. Oui.

7h moins le quart, super content d'attaquer la matinée avec vous. Maître Gims sur Skyrock avec ma beauté. Maître Gims qui repartira en tournée Skyrock dans toute la France à partir de la rentrée. C'est également un son que vous retrouvez sur la BO de Camping 3. Le Morning Best qui continue sur Skyrock. Les meilleurs moments du Morning de Difool tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. On va parler des drogués du téléphone. Qui est drogué au téléphone? Justin Timberlake aussi avec Can't Stop the Feeling et votre horoscope de l'amour dans 1 minute 12. Du 9-2. Yo, Jiggy, check. Son univers, tu l'as découvert dans Planète Rap sur Skyrock. Question live dans Planète Rap, Gizmo. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Yo, Jiggly Check, c'est Gizmo sur Skyrock. Le jeune rappeur à la plume affûtée revient dans l'émission rap numéro 1 en France. Freestyle exclu et nouvel album à découvrir en direct avec Gizmo et Fred sur Skyrock. Skyrock. C'est Planète Rap Gizmo tous les soirs, 20h-21h sur Skyrock, sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Claire. Philippe, c'est quoi ça? Trois lots de trois paquets de Daily Choc. Des petits biscuits au chocolat tombés par terre. Là, chocolat noir, ici, chocolat au lait, et enfin, ce lot-là, c'est au chocolat blanc. Et tu ne savais que choisir? Ah, pas du tout, c'est juste qu'en ce moment, chez Leclerc, deux lots de trois paquets achetés, un lot offert. C'est parce que Leclerc pense à tous les gourmands que du 29 juin au 9 juillet, pour l'achat de deux lots de trois paquets de Daily Choc, plusieurs variétés au choix, le troisième est offert. 20 modalités dans les magasins participants. C'est vrai que c'est bon. Tiens, essaye celui-là. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Yeah, juste avant de retrouver Difool et Romano pour un nouvel épisode du Morning, tiens, petite réponse au message d'Echolier. Difool est déjà en vacances? Non, ils seront en direct ce soir. Difool, Romano, Cédric, Lamari, Samy, Karim en direct à partir de 21h pour la plus grande radio libre de France. Là, c'est le Morning Best avec votre horoscope de l'amour le mardi 5 juillet. 0 sur 5 de puissance amoureuse. Malheureusement, pour les taureaux et pour les scorpions, avec l'ADN de la loose qui pourrait ruiner vos chances. 1 sur 5, les vierges et les versos, avec pour les filles le risque de croiser un bon gros relou bien sale. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers. Et pour les lions, vous aurez tout un tas de choses hyper compliquées à comprendre. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les balances et pour les poissons, et des confidences qui pourraient vous surprendre et vous faire du bien. 4 sur 5, les gémeaux et les cancers, avec un mental et une confiance qui forceront l'admiration. Et enfin, les sagittaires et les capricornes qui auront la sensation d'être une sorte de super-héros qui sauve des vies et qui centralise toutes les attentions. Sagittaire et Capricorne avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning Best qui continue avec Difool et Romano, que vous retrouvez maintenant avec Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Les drogués du téléphone, vous êtes les bienvenus sur Skyrock. Bien utile un téléphone, ça vous permet de nous envoyer des messages et de réagir en direct à n'importe quel moment de l'émission. C'est bien, hein? Ouais, c'est pratique. Téléchargez l'appli Skyrock, allez-y. Elle est gratuite. Vous envoyez tout ça, ou alors vous faites directement le 41-759. Et on vous remercie pour vos messages. Les drogués du téléphone, Nial, qui nous fait: moi, mon téléphone est le prolongement de ma main. Si je l'ai pas, je fais une crise d'angoisse directe. Merci à toi pour ton message. David le Portugais était victime d'une droguée au téléphone, c'est ta femme. David le Portugais, ma femme m'énerve, car elle est toujours sur son portable à table pendant le dîner. Moi, je suis pas un vieux con, mais ça m'énerve quand les gens, tu bouffes avec quelqu'un, le mec il est à table tout le temps. Non, mais t'as pire encore quand c'est une meuf. Hein. Non, mais t'as vraiment l'impression que la personne en face se fait chier, quoi. Oui, c'est ça. C'est la pression, elle est, même si c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est super désagréable. T'as l'impression que tu racontes des trucs, elle est là. Ok, Romano, très bien. Attends, je vais sur mon appli. Ouais, super, je vais voir les photos de Skyrock, moi. C'est pas que je me fais chier, mais bon, je vais. Les drogués du téléphone, on va en parler. Juste une petite question que je voulais vous poser, parce que le sondage dont je voulais vous parler, je vous le donne tout de suite. Un Français sur 5 donc dort avec son téléphone. Ok. Mais le téléphone avec les sonneries. C'est-à-dire que t'as un Français sur 5, 20% des Français, ah ouais, qui n'enlèvent pas la sonnerie. Ah, les notifications. Les notifications, les alertes et tout le reste. Ah, donc, c'est relou ça. T'as le téléphone qui sonne la nuit, mais tellement drogué qu'il faut qu'il le sache. Voilà, tiens, bah, y a quelqu'un dans l'équipe qui ne l'a pas enlevé. Ah, la jolie sonnerie. Drogué au téléphone, on a qui? On a Mathéo en direct avec nous à Clermont-Ferrand. On a Zachary également à Armentières. Salut Zachary, salut Mathéo. Salut les gars. Salut, ça va encore? Salut. Salut. Ça va. Alors la petite voix c'est Mathéo, la grosse voix c'est Zachary, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Ouais, c'est ça. Honneur au petit. Alors Mathéo, t'es drogué au téléphone toi? Oui. Les nuits je dors avec lui et tout, quand je l'ai pas je peux pas m'en passer, je reçois les messages, les notifications la nuit et tout. Mais tu laisses les sonneries la nuit toi? Oui, je laisse les sonneries. Alors j'ai ton numéro, tu vois, je vais t'appeler toutes les nuits. Bravo. Tu vas me dire combien de temps tu vas le laisser, ouais, ton téléphone. Tu vas vite arrêter. Non, moi je suis drogué, mais pas à ce point. La nuit, non, je coupe la sonnerie, sinon tu dors pas. Hein. Ah bah c'est clair. Surtout si tu, je sais pas, si t'es sur les réseaux, genre Instagram et tout ça, et les gens qui likent ta photo, à chaque fois tu reçois une notification, t'as pas fini, ouais. Toi t'es contente, ouais. Tu reçois une notification en plein milieu. Ça le réveille. On a pensé à moi. Ah ouais, ça y est. Oh putain, quelqu'un a liké ma photo. Trop bien. On te, tu es drogué au téléphone, on te le confirme, Mathéo. Et toi, Zach, tu fais quoi? Moi, je suis drogué la journée, la nuit, il faut me laisser dormir. La nuit, c'est important, c'est la récupération de la journée. C'est vrai. Et non, je peux pas dormir si j'ai pas. Si j'ai mon téléphone en sonnerie, je peux pas dormir, c'est pas possible. Mais par contre, la journée, t'es au taquet dessus. La journée, ouais, je suis t'inquiète dessus. Attends, il faut gérer les bails. Hein. Ah, bah, c'est clair. Il faut gérer les bails. Et donc, nous, ce matin, on vous laisse se plaindre parce qu'on a laissé notre téléphone allumé toute la nuit. Ça n'a pas arrêté de sonner. Donc, on a appelé les familles. On va leur demander d'arrêter de nous envoyer des messages. Tout le temps, ça n'arrête pas. C'est vrai, ouais. Merci, Zachary. Merci, Mathéo. Hein. Raccrochez salut, pas. Les gars. C'est l'heure du French Test tout de suite. Le French Test sur Skyrock. Alors, on appelle qui ce matin? Là, on va chez Bernard. Chez Bernard. Bernard, il n'arrête pas de nous envoyer des messages toute la nuit. Ah, il nous a fait chier toute la nuit, le Bernard. SMS, MMS, terrible. Bernard et la famille de Bernard, parce qu'on ne sait pas sur qui oui, on va tomber. C'est la femme à Bernard. Bonjour, madame, femme de Bernard. Oui, dites-moi. Oui, je vous appelle, j'ai un petit problème. Je suis avec ma femme qui est encore couchée parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Vous n'avez pas arrêté de lui envoyer des messages, des SMS, tout ça, toute la nuit? C'est quoi ces conneries? Bah, je sais pas, c'est peut-être votre mari Bernard. Je sais pas, elle m'a dit qu'un homme l'avait harcelé toute la nuit, son téléphone a sonné. Attendez, je vais dans la chambre, je vais la voir. Ma chérie? Oui. Je suis avec la femme de la personne qui vous envoyait des messages toute la nuit. J'ai mal à la tête, je n'ai pas dormi de la nuit. Nos téléphones n'ont pas arrêté de sonner. Ouais, vous arrêtez vos conneries là. Vous dis donc, tu dis à ton mari de se calmer parce que moi je ne suis pas une femme facile. D'ailleurs, tu n'es pas une femme tout court. Oui, déjà. Si, je suis une femme à quéquette. Oui. Allô, la femme à Bernard? Allez, on arrête les conneries. Ah bah bonne non, mais faut... Bernard, il doit arrêter. Bonne soirée. Putain, on aurait dit une prof. Allez, on arrête les conneries. Ah, ça suffit, les enfants. Sortez votre carnet. Allez, Cédric, on arrête les conneries. Allô, on va chez Jackie. Non, on n'arrête pas les conneries, on va chez Jackie. Ouais, Jackie. Oui, j'ai un bien ce prénom, Jackie. Moi. Jackie, c'est sexy comme prénom. Ouais. Ah, bah, j'ai tonton, Jackie, moi. C'est vrai? Oui. Oui, bonjour, Jackie. Oui, Jean-Louis, comment? Jean-Louis David. D'Ivoire, je t'appelais là, j'ai eu un petit problème cette nuit là, je suis avec mon mari. Oui, bonjour. Et, oui. Et toute la nuit, tu as envoyé des SMS sur le portable de mon mari et ça nous a empêché de dormir. Ah, tu m'excuses, mais j'ai envoyé aucun SMS. Ah bah, je pense que t'as un problème avec ton téléphone ou un truc, alors il faut régler le problème, sinon on va venir te tirer les oreilles. Ben oui, mais je peux pas te dire envoyer des SMS. En tout cas, c'est pas nous parce que je n'en vois jamais. Alors, j'ai une photo d'un homme nu, je pense que c'est toi. Ah non, mais c'est pas moi. Ah si, j'ai une photo d'un homme nu. Donc, je vais venir chez toi, je vais te montrer la photo et tu me diras si c'est toi. Il faut arrêter de m'envoyer des trucs comme ça la nuit. Hein. Moi, non, mais ça, tu m'excuseras, mais c'est pas moi qui envoie les photos comme ça. Hein. Ça m'a tellement excité que j'ai été obligé de faire l'amour à ma femme toute la nuit quand je t'ai vu tout nu sur le truc. Ah non, bah ça, peut-être c'est bien, mais tu verras que c'est pas moi tout nu. Écoute, Jackie, ce qu'on fait, c'est qu'on vient avec la photo qu'on a, tu te mets à poil, on compare. On va regarder, ouais. On voit si c'est le même zizi sur la photo et en je vrai. Je ne mets pas à poil, hein. Ah bah ça, il va falloir. Ah, ça va, Jackie. C'est pour vérifier, Jackie. Jackie, c'est pour l'enquête, hein. L'enquête policière. Ah oui, pour savoir qui nous oui, a appelé. Oui, bah écoute, lance l'enquête policière si tu veux, mais en tout cas, je veux dire, c'est pas moi. Ah bah ça, ou alors c'est peut-être ta femme. Elle a un zizi, ta femme? C'est ta femme qui envoie des photos d'hommes nus, oui. Est-ce que ta femme a un zizi? Allô? Oui, est-ce que ta femme a un sgeg? Un quoi? Un zizi. Hein? Un zizi. Est-ce qu'elle a une queue? Bon, il faut le dire, bordel, pour qu'ils comprennent. Un sexe d'homme. Bah écoute, tu viens avec les gendarmes? Ah bah je viens avec les gendarmes, et puis on prendra l'apéro. Oui, bah si tu veux, mais parce faut que... venir avec les gendarmes. Parce que moi, si on vient avec les gendarmes, j'envoie aucun obligé. SMS, je ne reçois pas de messages. Bon, apparemment, je fais attention parce que je mets toujours des antivirus pour ne pas envoyer des messages. Ah bah, sur le téléphone. À mon avis, ils ne marchent pas les antivirus. Ah bah, sur le téléphone, ça va être compliqué à installer. Oui. Jackie, est-ce que ta femme a une quéquette? Une quoi? Une bite. Ouais, non, mais attends, c'est quoi cette connerie-là? Ah bah écoute, Jackie, nous on se pose ouais, la question. Tu viens avec les gendarmes si tu veux. On arrive. On arrive alors. Ah bah, c'est moi qui vais porter plainte. Hein. Jackie, on arrive, tu montres ta quéquette, ta femme montre ouais, la sienne. Va, et on compare. On t'embrasse, Jackie. C'est sympa, Jackie. Elle a du mal à comprendre. Ah oui, elle a du mal à comprendre. Quéquette, zizi, non? 6h-9h. Morning show. Le morning de Difool sur Skyrock. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't rise above it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Feeling de Justin Timberlake, une découverte Skyrock au taquet pour attaquer la matinée avec les meilleurs moments du morning de Difool dans le morning best. On est au mois de juillet, début du mois de juillet, c'est souvent le moment où les prix augmentent. Quelles sont les astuces de Romano pour faire baisser les prix? On va en parler dans moins de 10 minutes dans les conseils pas chers. Et un rappel hyper important, on est le 5 juillet, on est à J-10 de l'arrivée de Rihanna en France, la numéro 1 Skyrock, la numéro 1 mondiale. Rihanna, rappelez-vous, il y avait ça, Don't Stop the Music. Il y avait ça aussi, Rude Boy, We Fan Love, et plus récemment, Bitch Better Have My Money. Rihanna, elle a choisi Skyrock et on est super fiers pour sa tournée française Nice-Lyon, le Stade de France à Paris-Saint-Denis et le Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq à côté de Lille. Il y a des invites à choper toute la journée sur Skyrock, ça tombe dès le matin et jusqu'à minuit, ça va tomber dans la matinée. Hein. Vous restez bien avec nous, on vous dira comment faire pour vous inscrire. Et le Morning Best qui se poursuit, un nouveau son Raga Dancehall à écouter dans une minute, c'est Ken Jones avec Don't Mind. Écoute, écoute, ça se passe dans la radio libre de Difool. Alors Jules, tu voulais une grosse grosse moto et on t'a ramené. Un petit zip là, tranquillement, on va tout péter avec, on va cabrer, on va le mettre en Y. Tous les soirs. Donc tu vas le mettre en Y, alors c'est très bien parce que c'est Cédric qui a payé la caution. Eh vas-y Jules. Tu veux que je monte derrière? 21h minuit. Il est tout blanc, Difool. Ça fait des roues arrière et il est en panique s'il te plaît. Difool, tiens, Difool. Tu sais, il a approché comme une meuf. Adieu. Tous les soirs, Difool Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. On retrouve Patrick en direct du Tour au Havre. Quelle est l'ambiance, Patrick, à l'issue de cette étape? Eh bien, vous l'entendez ici chez Ibis Budget, l'ambiance est très festive. Hein. Tout le monde est là, réuni pour un instant convivial, mais bien sûr, pas d'alcool, on reste sport. Ah, je vois qu'on lance. Cet été, à partir de seulement 35€ la nuit chez Ibis Budget, vous aussi, faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, walked in my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go, you know I love. Le son Raga Dancehall de l'été à écouter toute la journée sur Skyrock. Ken Jones avec Don't Mind. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. 7h02, bonjour et bon réveil à vous tous. On est mardi matin, on est le 5 juillet. Nouvelle journée qui débute avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le morning de Default. On en parlait il y a quelques minutes, le mois de juillet, c'est toujours le moment où les prix augmentent. On va vous parler de la baisse des prix, les astuces de Romano pour faire baisser les prix. C'est les conseils pas chers qui se préparent. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable ne s'habille plus en Prada. Soprano. Le diable s'habille plus en Prada. C'est juste après l'actu et le sport. Il y aura un classique de Sean Paul aussi avec She Does Not Mind. L'actu le sport, Rémi, le temps, as-tu de bonnes nouvelles à nous annoncer? Oui, ça va. Bon, c'est nuageux ce matin, même un petit peu gris hein, dans le nord avec des averses possibles. Pas ou peu de pluie aujourd'hui, sauf peut-être sur le sud-ouest ce matin, mais ça ira vraiment mieux au fil des heures avec le retour du soleil quasiment partout et principalement sur la pointe bretonne et l'arc méditerranéen. Les températures ce matin, 13 degrés à Nantes, 14 à Saint-Etienne et à Lille, 15 au Mans, 16 à Bordeaux et à Paris, 17 à Lyon, 19 à Ajaccio, 21 à Marseille et 22 sur la promenade des Anglais à Nice. Dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Caen, 21 à Lille, 22 à Beauvais, 24 à Paris, 25 à Nancy, 26 à Strasbourg, 28 à Limoges, 29 à Marseille et à Toulouse, 30 à Lyon et 32 à Valence. La pollution est largement respirable. Les indices sont compris partout entre 3 et 4. Rihanna, qui va gagner, qui va l'emporter? La tournée Skyrock a gagné ce matin, on en reparlera tout à l'heure. Et là, c'est parti pour l'actu. Le stress qui monte et bientôt la fin du suspense pour les 700 000 candidats au bac. Les résultats tombent ce matin entre 8 et 10 heures selon les académies. Comme chaque année, il y aura les heureux, les déçus et les sceptiques. Les sceptiques qui vont devoir passer les oraux qui commencent dès demain. Et oui, le rattrapage, 88% des candidats ont décroché leur bac l'an dernier. On verra cette année si ce bon résultat se répète. La loi travail de retour à l'Assemblée. Les derniers débats doivent avoir lieu jusqu'à vendredi. Le gouvernement n'aurait toujours pas la majorité nécessaire. Le recours à l'article 49.3 n'est donc pas à exclure. La bataille aussi qui se poursuit dans la rue. 12e journée de mobilisation à l'appel des syndicats. Le cortège parisien s'élancera de place d'Italie pour rejoindre Bastille. C'est la dernière manif de l'été selon Force Ouvrière, mais cela devrait reprendre à la rentrée. Comment lutter contre la menace terroriste? Rapport très attendu d'une commission parlementaire qui sera remis aujourd'hui au gouvernement. Il comporte 39 propositions concrètes. Des failles de sécurité sont clairement pointées du doigt 8 mois après les attaques djihadistes les plus meurtrières. Une découverte macabre hier dans un village non loin d'Orléans. Un père et sa fille de 6 ans ont été retrouvés pendus dans un jardin. Le père était allé chercher

9h sur Skyrock. Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool. On va faire un gigantesque forum en direct sur Skyrock dans le morning. Et vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait pour faire baisser vos factures téléphoniques. Factures de portable, factures de téléphone, enfin factures en général. Ouais. Et notamment les factures de téléphone. Vous avez changé d'opérateur pour baisser votre facture. Qu'est-ce que vous avez fait? On va échanger tout ça et comme ça, on va faire des économies de téléphone. Ça, c'est bien pratique, ça, ouais. Ouais. Comment tu fais pour faire baisser ta facture, Romano? Tu fais comme moi, tu te le fais payer par Skyrock? Bah ouais, c'est ça. Pas cher. C'est bien pratique. D'ailleurs, heureusement, parce que cet été, j'ai encore explosé ma facture de data parce que j'étais en Italie. Et en fait, à l'étranger, ça coûte bien cher. J'ai encore fait plus de 2000 euros. Oh. Oh, ça sera enlevé sur ton salaire, Romano, hein, je te rassure. Ça a déjà été enlevé. Là, tu travailles à perte, hein, tout moi. Hein. Ça a déjà été enlevé. Et mon record absolu, c'est. Non, mais ça, sur le coup, c'était involontaire. C'était il y a 2-3 ans. Les 2000 euros, c'était pas involontaire. Je dis ça au comptable de Skyrock. Non, mais a priori, heureusement, ils ont des réductions chez les opérateurs parce qu'il y a beaucoup de téléphones à Skyrock. Et aussi, j'avais fait 3700 euros. Ah, il y a plein de messages. En fait, arrivent, le truc, c'était connecté par mes gardes. Ouais, moi aussi, j'ai déjà eu ce genre de problème. Ouais, ouais, mais ça fait mal au cul. Ah, ouais, quand il faut le payer, ça fait mal au cul. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Je suis chez Free, j'ai tout compris. Nous dit Baba Silver. C'est vrai que Free a fait baisser les prix de tous les opérateurs d'ailleurs. Carrément, ouais. Ah, bah ouais, ouais, ils sont là-dessus. Seul problème, c'est le réseau. Ouais, alors le. Oui. Ouais, c'est vrai. Ça, avec Free, t'as tout compris quand il y a du réseau. Quand il n'y a pas de réseau, tu comprends rien. Non. Mais non, mais même à Paris, hein, je vois les parents de Carriole. Bon, déjà, ils ont du mal avec le téléphone. Déjà, oui, c'est vrai. Alors en plus de ça, ils sont chez Free. Pour les joindre, c'est une galère. C'est vrai, il faut les appeler 15 fois. Faut pas avoir genre une urgence, quoi. Non. Non, non, parce que parfois, t'as pas compris. Non, mais c'est ça, ouais, c'est galère. T'as pas compris qu'il n'y a pas de réseau et que tu peux pas les joindre, en fait. J'ai enlevé un forfait sur Internet, ce qui me revient moins cher. Du coup, j'utilise la Wi-Fi quand je suis chez moi. Ah, t'as zappé le forfait Internet à la maison. Marie, 17 ans, qui nous envoie ça, là. Bah, il y a Anto Soso 76, il a fait comme dit Foulé moi. Depuis que j'ai eu un téléphone perso du boulot, bah, j'ai arrêté mon forfait perso et du coup, économie. Ouais. Ah, bah, ouais, ouais. Bah, Blue, il fait pareil. J'utilise le portable professionnel que mon entreprise m'a donné, Vodafone International. J'appelle l'Europe, j'appelle au Bled, j'appelle partout. Oui, méfie-toi quand même qu'au bout d'un moment, ils t'enlèvent pas. Oui, ou qu'ils t'enlèvent pas ton boulot, carrément. Ouais, aussi, ouais. Le téléphone et le boulot. Bon, vous avez des méthodes pour faire baisser les prix des téléphones. D'autres méthodes dans l'équipe, non? Ah bah moi, squatter le téléphone des autres. Ouais, squatter le téléphone des autres, c'est une des solutions. Hein. Ou alors, si vous travaillez dans une entreprise, vous avez accès au téléphone, coup de fil de perso depuis l'entreprise. Ouais, bah bravo. Bon, bah très bien. On peut faire ça au bahut aussi. Au bahut, ouais, si vous êtes copain avec le CPE ou la CPE. Ouais. Ou la secrétaire. Ouais, tu veux pas que je fasse un peu le standard du bahut ce matin? Allez. Ouais, j'ai envie de répondre un peu au téléphone. Allez, j'ai envie de bosser un petit peu pendant ce temps. Tu passes tes petits coups de fil perso et t'es tranquille. Sinon, tu files ta facture à tes parents. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, moi, je vais essayer. Ah. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Non, mais moi je le faisais au début que j'étais à Paris, mais ça, les pauvres, je les ai saignés avec ça. Si en fait, ouais, quand c'est pas toi qui paye, tu t'en fous. Ouais, même quand c'est pas moi, ils s'en foutent. C'est vrai. Même quand ils les saignent, ils ont plus rien sur leur compte. Oh, Dieu. Mais heureusement, il a des conseils pas chers, super. Et attention, on va aller faire un tour chez les familles. Je travaille chez les opérateurs téléphoniques. Mm-hmm. Et il y a un problème, ils ont éclaté leur forfait data internet. Ça, il faut faire attention, c'est ça en fait qui douille surtout. Ça douille cher. Ah, ça douille cher. Et là, il faut faire une remise à jour de la facture, ils n'ont pas donné assez d'argent. Donc il faut qu'ils t'en donnent en fait. Et évidemment. Ouais, bon, j'ai compris. Allez, c'est parti, on y va. Romano. Morning Show. La règle du jeu, prendre l'argent de la poche de ton client pour le mettre dans la tienne. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ah, tu sais faire ça. Hein. Exactement, bah, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir la démonstration en live. Hein. Bon, alors démo en live, on espère que ça va marcher. On croise les doigts, Romano, à toi de jouer maintenant. Allô? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, à l'appareil. Service facturation de votre opérateur téléphonique à l'appareil. Oui. Oui, dites voir, je vous appelais car on a constaté des relevés anormalement élevés sur votre facture téléphonique au niveau d'Internet. Oui, bah, je sais pas. Moi. Ah oui, parce que là, je vous annonce quand même, vous êtes à plus de 750 euros de hors forfait. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah écoutez, nous on voit que vous avez utilisé pas mal la 3G pour aller sur Internet. Et du coup, ça c'est pas compris dans votre forfait, donc on facture hors forfait. Hein. Ouh là là, attendez, parce que qu'est-ce que vous appelez la 3G? Là, je suis un peu largué dans ces trucs-là. Ah là. Oui, bon, en gros, c'est quand vous allez sur Internet avec votre téléphone portable ou alors quand vous allez sur les applications, à ce moment-là, c'est facturé sur le forfait Internet. Et vu que votre forfait Internet est tout petit, tout ce qui est... Je croyais que ma femme avait fait modifier tout ce truc orange, là. Ah bah écoutez, nous, chez Orange, on n'a aucune modification et là, malheureusement, vous avez 750 euros de hors forfait. Hein. En plus, bon, ouais. En plus de votre forfait habituel. Hein. Oui, mais enfin, moi, je téléphone quasiment pas. Ah bah oui, oui. Mais peut-être que vous avez fait appuyer sur un bouton sans faire exprès, puis ça a tourné, tourné, tourné. Vous savez qu'on fait, on se fait un paquet de thunes comme ça. Hein. Vous savez, tous les bénéfices, on les récupère comme ça avec des gens qui, comme des cons, ils appuient sur un bouton, ça tourne, ça tourne. Merci pour le con. Ah non, non, mais c'est, vous, êtes, vous n'êtes pas le premier, hein, c'est arrivé également à... Ah bah tiens. Allô? Oui, allô? Oui, alors le mieux, ça serait peut-être que je vienne chez vous ce matin, là. Je suis pas là ce matin. Ah bah, bah cet après-midi, du coup. En début d'après-midi, oui. En début d'après-midi, comme ça, moi, je viens regarder le téléphone, voir ce qu'il y a d'anormal dedans. Et du coup, je récupérais les 750 euros. Hein. Oui, mais vous, vous êtes qui exactement? Ah, je suis Monsieur Lapince de chez Orange. Oui, donc vous êtes sur Beaune? Exactement, je suis sur Beaune. Oui, et qui c'est le dénommé Michel là, qui m'a appelé en disant c'est un voisin et tout ça? Ah, je sais pas, ça, monsieur, ça doit être vos coups de fil personnels. Hein. Moi, je travaille chez Orange, Bouygues, SFR, Free, Soch, tous les opérateurs, je suis chez tous. Qui c'est qui se marre derrière, là? Ah, c'est une greluche qui travaille avec moi. Bon. Merci pour la greluche. Mais, donc, je viens en début d'après-midi? Oui, attendez, c'est vraiment pour clair. Cette ah non, non, mais vous inquiétez pas, j'arrive avec une camionnette toute orange, il y a marqué orange dessus. Bon. Vous pouvez pas la louper. Bah, on va passer notre secrétaire qui est orange aussi, elle a mis de, orange. Elle a mis du fond de teint au carotène. Enfin, ouais, super. Blague, quoi, ça, et elle a fait beaucoup d'UV, donc moi j'arriverai orange également. Oui, on voit la passer. Bon, allez, je viens à 13h, on n'en parle plus, comme ça, du coup, je mangerai avec vous. Non. Bah, vous mettez une assiette en plus, ça tombe bien, j'ai pas le temps de manger. Qui êtes-vous exactement? Monsieur Lapince, des chez Orange, Bouygues, SFR. Lapince quoi, là, vous êtes en train de La pince coupante. Monseigneur. La pince à épiler. Voilà, la pince plate. La pince à la. Ok, ok. On arrête ça. Qui êtes-vous exactement? On te passe notre secrétaire, elle va tout expliquer. Je vous passe la dame qui est toute orange, elle fait flipper. N'ayez pas peur, on vous aura prévenu. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur. Voilà, et merci de votre coopération. Vas-y, la secrétaire. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Je vous avais dit, de toute façon, ça marche à tous les coups. Ah ouais, les gens comprennent rien. Internet, 3G. On est tombé sur a priori un fin connaisseur. Wi-Fi, tout ça. On peut le dire, c'est un geek. C'est vrai. Un vrai, comme on l'aime. Ah oui. 6h-9h. Moins les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Set the chop on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girls, I'm ready for run on it. True to my word, I'm ready for run on it. Ready for dunk on it, ready for run on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, skyrock burn up the sky. We got the dancer crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. Skyrock, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it. Same time align me, align it up for co-sign it. Prime me, a prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme with me, I rhyme it. You combine it, this up for a private world. Oh,

Alors, je travaille dans une pharmacie. Très bien. Si on a besoin de cachet, on te fait signe, alors. Il y en a besoin. Parfois, il y en a besoin, oui. Alors, on parle justement de quelqu'un qui a besoin de cachet. Une dame de 54 ans qui est interpellée chez elle pour avoir harcelé les numéros d'urgence du coin, tous les numéros, l'autre soir. Ça lui a pris en plein milieu de la nuit. Combien de fois a-t-elle appelé les numéros d'urgence en une seule nuit, Hélène? Alors, 600. 600 fois, oui. Ah, quand même. Et, ah ouais, et voyant qu'il n'arrivait pas, parce que, au bout d'un moment, il n'arrivait pas, les gens, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un de pas tout à fait comme tout le monde. Oui, timbré. Elle a foutu le feu à la boîte aux lettres. D'abord, elle avait froid. Et elle a mis des journaux dans la boîte aux lettres. Elle les a allumés pour faire un petit feu de bois. Bon, à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Ah, quand même. Les keufs aussi, ils l'ont arrêté. Et malheureusement, elle a besoin de cachet, puisqu'elle souffre de quelques petits problèmes psychologiques. Ah ouais. Ça peut se comprendre. Ça doit être léger, hein, ce qu'elle a. Pour appeler plus de 600 fois, ça doit vraiment être très, très léger. Voilà. Bon, bah écoute, on lui souhaite bon courage. Et puis, merci aux pompiers de l'avoir arrêté vers 3h20. Ça s'est passé dans la nuit. À ce moment-là, avec le feu de boîte aux lettres, c'est dangereux. Ouais. Bah oui. Alors, Hélène, 300 euros, c'est ton capital de départ. Oui. On va te poser une question. Toutes les secondes, tu perds 10 euros. Attention. Oh là attention. Là. Et attention. Je tiens les comptes. Oui, c'est Romano qui compte. Je vais te demander en 30 secondes de nous donner. Facile. 5 métiers où l'on porte des uniformes top chrono. Militaire. Oui. Écolier, on peut porter. Non. Infirmière. Oui. Pompier. Oui. Allez, il manque deux. Il en manque deux. Dans les avions. Oui. Dans les avions. Oui, pilote. Oui. Hôtesse. Oui. Allez. Et c'est gagné. Allez, c'est bon. Et ça fait. Et c'est gagné. 100 euros. Oh, d'accord. Ah, sauvé. Ah ouais. Oui. Ah bah il restait quand même 10 secondes. Donc 10 secondes fois 10, ça fait 100. Beau calcul, Romano, qu'il est intelligent. Il est plus fort que la calculatrice de l'iPhone ou de Samsung. Il est trop fait. 100 balles. 100 euros qui partent à Marseille chez toi, Hélène. Super. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup à toute l'équipe. Eh ben merci à toi, Hélène. On te fait de gros bisous. Moi aussi, gros bisous. T'embrasses tout le monde à la pharmacie. Continuez comme ça. Bah, merci aussi. Beaucoup. Bisous, Hélène. Bisous, bonne journée. Salut, 6h09. Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. I'm on my ride. Thinking too much. Help me. I've been thinking. nous déchirer avec Stress Out. C'est leur nouveau son à écouter toute la journée. Les 21 Pilots sur Skyrock avec Ride. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. 7h30, bonjour à vous tous et merci d'avoir choisi Skyrock en ce mardi matin, le mardi 5 juillet. Les meilleurs moments du Morning de Default jusqu'à 9h avec une question. Qui a du mal à sortir de son lit le matin? Quasiment tout le monde. Default va vous donner une info, il va vous donner une petite astuce, quelque chose qui va vous permettre de vous réveiller cash direct au taquet dès le matin, au taquet avec le réveil de star aussi dans moins de 20 minutes, le réveil de star de Fox Mulder de X-Files et du son Drake tout de suite. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance the Drake. Nekfeu aussi avec le Escrew, tiré de l'album Destin Lyon, se mettra genre et pas dû juste après l'actuel sport. Amy, ouais. La météo? Bah écoute, c'est nuageux ce matin dans l'ensemble, c'est même bien gris là sur le nord avec des averses possibles par endroit. Pas trop de pluie partout ailleurs, sauf sur le sud-ouest peut-être ce matin. Bon, ça ira mieux au fil des heures avec le retour du soleil quasiment partout et principalement sur la pointe bretonne et l'arc méditerranéen. Les températures ce matin, on a 13 degrés à Lorient, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Limoges, 16 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Toulouse, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 à Brest, 21 à Lille, 22 à Alençon, 23 à Nantes, 24 à Paris, 25 à Bordeaux, 27 à Nevers, 29 à Marseille, 30 à Lyon et 33 à Manosque. La pollution, ça va, c'est respirable. Les indices sont compris partout entre 3 et 4. Votre horoscope de l'amour et vos places, l'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes et vos places pour Rihanna d'ici à 9h. Et là, on y va, c'est l'actu. Et encore un peu plus de 24 heures de jeûne pour nos amis musulmans. L'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, sera célébré demain soir. Annonce faite par le Conseil français du culte musulman. La loi travail de retour à l'Assemblée. Les derniers débats doivent avoir lieu jusqu'à vendredi. Le gouvernement n'aurait toujours pas la majorité nécessaire. Le recours à l'article 49.3 n'est donc pas à exclure. La bataille qui se poursuit également dans la rue. 12e journée de mobilisation à l'appel des syndicats. Le cortège parisien s'élancera de place d'Italie pour rejoindre Bastille. C'est la dernière manif de l'été selon Force Ouvrière. Mais cela devrait reprendre de plus belle à la rentrée. La crise politique qui se poursuit en Angleterre 2 semaines après le Brexit. Les démissions s'enchaînent les unes après les autres dans les grands partis politiques. Le processus de désignation commence aujourd'hui chez les conservateurs pour remplacer David Cameron. Il y a toujours 5 candidats en lice au poste de chef du gouvernement. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, est toujours pressentie pour rentrer au 10 Downing Street. Un voyage de 5 ans pour parcourir 3 milliards de kilomètres. Juno vient d'entrer ce matin dans l'orbite de Jupiter. La sonde a voyagé dans l'espace pour rejoindre la plus grande planète du système solaire. Une planète pleine de secrets avec des tempêtes qui font 8 fois la taille de la Terre et qui durent sans s'arrêter depuis des centaines et des centaines d'années. Les scientifiques espèrent découvrir ce qui se cache sous les nuages de gaz qui la recouvrent. Du sport et du foot avec l'équipe de France qui se prépare à affronter la montagne allemande après avoir éteint le volcan islandais. Journée de récup hier, grosse session d'entraînement prévue aujourd'hui à Clairefontaine. Avant de partir pour Marseille, Didier Deschamps va faire bosser tout le monde pour optimiser les secteurs de jeu. Reste à savoir quelle équipe sera titulaire jeudi. Le coach se laisse le temps de réfléchir. Il n'exclut pas de reconduire la même formation que contre l'Islande. Et puis l'équipe de France, mais de basket cette fois-ci, prête à en découdre à Manille. Les Bleus jouent à partir d'aujourd'hui leur tournoi de qualification olympique. 4 matchs très importants jusqu'à dimanche. Défaite interdite. Première rencontre contre les Philippines. Ce sera à 15h. Et on est derrière les Bleus. Tipi, Nando, Docolo, Nicolas Batum, des bons gars. On a eu l'occasion de les recevoir. Ils nous écoutent en plus régulièrement. Donc voilà, l'équipe de France de basket, Skyrock, derrière les Bleus. Et toi Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actuel sport. À tout à l'heure. Best. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Default. Skyrock. Baby, I like your stuff. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Dès le matin sur Skyrock, dans le Morning Best, Drake, une découverte Skyrock avec One Dance en ce mardi matin à 7h37. On va avoir une pensée particulière à tous ceux qui attendent leurs résultats d'examen, notamment les futurs bacheliers, les résultats à partir de 10h du mat. Bien évidemment, on vous souhaite à tous un gros merde. On est derrière vous, le Morning Best, les meilleurs moments du morning de Difool le matin sur Skyrock pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée. Entre 6h et 9h, Difool et Romano, vous les retrouvez maintenant. On vous prépare également le réveil de star de Fox Mulder, d'X-Files et le Escrew aussi pour le rap français. Et Nekfeu avec J'aurais pas dû. Vous avez du mal à sortir de votre lit, alors avec ce que je vais vous dire maintenant, vous allez sortir tout de suite. En tout cas, très très très très vite de votre lit. Voici donc tout ce qu'on peut trouver dans un matelas. Allez, fais-nous rêver. Ah ouais, je vais vous faire rêver, je vais vous faire flipper plutôt. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on trouve dans un matelas ? Des chercheurs britanniques ont analysé tout ce qu'on avait trouvé dans un matelas qui a 8 ans. Hein. Ouais. Logiquement, il faut les changer tous les combien, les matelas ? 10 ans, je crois. Tous les 10 ans, ouais. Eh ben, au bout de 8 ans, c'est déjà bien dégueulasse, cette histoire-là. Alors, je sais pas s'il a fait ça sur des salles. A priori, non. Il a fait ça sur des gens qui étaient complètement normaux. Ah ouais. Ce qui est quand même assez étonnant. Alors, vas-y. Voici donc ce qu'on trouve dans un matelas. On trouve dans un matelas des molécules issues de produits cosmétiques. Donc ça, c'est chimique, c'est pas très bon. Ouais, genre les trucs de maquillage et tout ça, c'est ça. Les filles, c'est de votre faute, Romano l'a dit. Il faut vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Ouais. Moi, je le fais en tout cas. On retrouve des restes de nourriture. Oh. Des petits bouts de nourriture microscopiques. On trouve également 17 espèces de champignons qui ont été recensées dans le matelas des gens qui ont été testés. C'est bien pour faire une petite fricassée. Une petite poêlée, là. Pas bête, oui. Donc de la nourriture et des champignons. Ah, c'est bien. C'est bien. On retrouve des peaux mortes. Alors, attention, accrochez-vous. Les peaux mortes. Au bout de 8 ans, dans un matelas, combien trouve-t-on de kilos de peaux mortes, d'après vous ? 10 ? Non, 10 kilos. Non. Allez, moi, je dirais 2 kilos. Mais bah, 1 kilo. C'est entre les deux. C'est 4 kilos. 4 kilos quand même, de peaux mortes dans un matelas. Pas mal. Alors. Et on trouve également diverses bactéries, notamment des bactéries fécales. Oh, du caca. Oh. Oui. Des bactéries génitales. Moi aussi. Et intestinales, telles que le staphylocoque doré et un espèce de truc qui s'appelle l'E. coli. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est tout ça qu'on trouve donc dans un matelas. Et on y passe un tiers de notre vie sur un matelas. Ouais, donc il vaut mieux le changer. Il vaut mieux. En même temps, en général, tu dors jamais à même le matelas. Bah ouais, tu mets des draps, quoi. Ah bah oui. Ouais, mais bon. Mais ça doit transpercer, exactement, ouais. Exactement, Romano. Ça court partout. Tout ça, ça déclenche des allergies, des intoxications. Et puis, je vous parle pas également de toutes les petites bestioles qu'on trouve dans le matelas. Les acariens, ouais. Normal. Et les acariens et les acariennes. Eh ouais. qu'on trouve dans le matelas. Donc ça, c'est dans un matelas, c'est une étude véridique. Donc levez-vous vite, hein, si vite, vous êtes couché, on se lève vite. Il y a plein de bestioles dans votre saloperie. Hein. En fait, c'est PETA qui a fait l'étude pour qu'on achète plein de matelas. Ah, vos matelas sont vraiment tous pourris. Pas du tout. Tu es une mauvaise langue, Romano. Ce n'est pas PETA, c'est Simon. Ah, d'accord. Ah bah ok. 6h-9h. Oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal, et veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant j'bade, mais c'était pas la White Widow. J'ai

6h-9h. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. 8h moins le quart, bienvenue à vous tous. Juste avant de retrouver le réveil de star de Fox Mulder, c'est votre horoscope de l'amour. On est le 5 juillet, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse. Malheureusement, pour les taureaux et pour les scorpions, avec l'ADN de la loose qui pourrait ruiner vos chances, 1 sur 5. Les vierges et les verseaux, avec pour les filles le risque de croiser un bon dragueur bien roulou et bien sale, 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers. Et pour les lions, vous aurez tout un tas de choses hyper compliquées à comprendre, 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les balances et pour les poissons, avec des confidences qui pourraient vous surprendre et aussi vous faire du bien. 4 sur 5, les gémeaux et les cancers, gémeaux et cancers, avec un mental et une confiance qui forceront l'admiration. Et enfin, les sagittaires et les capricornes qui auront la sensation d'être une sorte de super-héros qui sauve des vies et qui centralise toutes les attentions, les sagittaires et les capricornes. 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le réveil de star, c'est tous les matins sur Skyrock aux alentours de 6h15, 8h-10 et 9h-10. Fox Mulder maintenant à retrouver avec Di Foule Romano et Mike Posner avec I Took a Pill in Ibiza. Bienvenue, bienvenue sur Skyrock et bienvenue chez les familles de France qui ont eu la chance d'être mises en contact, je dis ça pour les fans d'X-Files, avec Mulder lui-même. Ah ouais. Voici donc Christian. Christian qu'on a appelé avec Mulder lui-même parce que Mulder est un des amis de Skyrock. Salut Fox. Ça va? Je m'appelle Fox Mulder. Oui, moi c'est ouais. D-Fool. Ça va bien, ça va tranquille ce matin. Tu es en forme? Oui. Et tout à fait. Tout à fait. Très bien. Ça a l'air, tiens. Ça a l'air, ouais. Tout à fait. Ah, c'est Mulder. Il bosse au FBI, le gars. Mon obsession m'a conduit au FBI, où j'ai enquêté sur des affaires touchant au paranormal, oui, au sein d'un service appelé les affaires non classées. Oui, il est venu à Skyrock faire une enquête sur Cédric. Il le trouvait bizarre et il s'est dit, lui, il vient de l'espace. Bon, on en a profité pour t'as mettre... un peu la tête de Alf, Cédric. Mais n'importe quoi. Salut, c'est Cédric. Okay. Je suis Cédric. On en a profité pour appeler Christian et la famille de Christian. Voici donc la rencontre. Christian, la famille et Fox Mulder de X-Files lui-même. Allô? Je m'appelle Fox Mulder. Oui? J'osais pas te rappeler parce que tu vas me prendre pour un dingue. Mais vous êtes à quel sujet? La technologie extraterrestre est utilisée contre nous, pas par les extraterrestres. Attends, attends, je te passe le con, l'extraterrestre. Il va te dire des nouvelles. Oula. Tiens, tu vas voir. Allô? Cette conversation restera entre nous. Oui. J'ai enfin compris. Tout est clair à présent. On nous a menti pendant des années. On te demande de quoi? Mais qui t'es d'abord? Ah, qui t'es? Je m'appelle Fox Mulder. Que c'est ça, Fox Mulder? Ah, c'est quoi, j'ai son numéro? Mon obsession m'a conduit au FBI. Attends. Arrête de me parler, toi. Qu'est-ce que tu me dis? Mon obsession m'a conduit au FBI, au sein d'un service appelé les affaires non classées. Non, mais attends, mais tu as fumé, toi, ou quoi? On kidnappe des hommes et des femmes et on fait croire qu'ils ont été enlevés par des aliens. Eh oui. Là, je t'explique que tu as fumé. Hein. Et je crois savoir pourquoi. Eh oui. Oh, il va même pas te faire enculer à PD. Oui, tout à fait. Ah, il va te faire enculer à PD. Fox n'est pas contre, hein, il a dit tout à fait derrière. Ah ouais, tout à fait. Ah, qu'est-ce que c'est, Fox Mulder? Ah, il a eu du mal. Ah, tu m'en fumes, hein. Qu'est-ce que c'est, Fox Mulder? Il va enculer. Hein. Bon, on a bien évidemment repassé un nouveau coup de fil à Christian et à la famille. Ah bah oui, on pouvait pas s'arrêter là. Ah oui. La femme est mobilisée, le mec est mobilisé, la famille est derrière son téléphone avec Fox Mulder au bout du fil. Ah, ça y est. Ah. Hey, alors écoute-moi, oui. Quand une fois tu décroches, oula, je viens et je te casse à la bouche. Oh, wow. C'est le calme avant la tempête. Voilà, ben va te faire enculer, ça te donnera des couleurs, cono. Cono. De quoi tu as peur? Moi j'ai peur de quoi? Mais tu as des couleurs, cul. Tu veux se retrouver à un endroit? Oui, tout à fait. Va un peu te faire enculer, en fondu, là. Mais tu es un travelot, toi. Mais tu es un homosexuel. Oh, je crois que je me rappellerai. Dis-moi, arrête avec ça. Débranche, hein. Si tu as les couilles au cul, tu viens, on se trouve, là. Tranquille, c'est pas un souci. C'est pas un souci, moi. Comme si je le savais pas. Mais va te faire niquer, hein. Tu sais quoi, là? Tu vas parler 36 000 fois, là, tu vois. Même plus je raccroche. Je laisse le téléphone comme ça, là. T'es alarmant, tu t'arrêteras, abouti. Je peux pas continuer cette discussion au téléphone. Il faut que j'y aille. On est obligé d'y aller. Désolé, vraiment. Ah, oui, ah, bah, les familles sont parties aussi. Il faut qu'on file. Ah, il faut qu'on y aille. Allez, va te faire enculer, hein. Ça te donnera des couleurs. Ah, ouais. Ça, c'est la punchline du jour. Notez-la bien, hein. La punchline du jour. Ah, de enculer, ça te donnera des couleurs. Et un petit cono derrière, parfait. Et une petite invitation, quand même. Ah oui. Il a donné rendez-vous à Fox Mulder. Voilà, bah, il va peut-être l'attendre un moment. Avec la femme qui hurle derrière. Voilà, on a du haut niveau. Merci la famille à Christian. Merci à Fox Mulder d'être venu ce matin sur Sky. 6h-9h. Le morning de Default sur Skyrock. I took a pill in Ibiza.

6h-9h. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Avec de la vanne, du canular, de la punchline, soyez tous les bienvenus. Il est 7h59, mardi matin, le 5 juillet, Morning Best qui continue avec Difool et Romano. Tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de l'année, on va parler des téléphones dans les conseils pas chers. Quelles sont les pires galères que l'on peut avoir avec son téléphone? Boom! Aussi, c'est la nouvelle des Major Lazer. On se mettra du Iggy Azalea avec Rita Ora, du Rihanna également, et l'actu et le sport. On y va tout de suite. Pile poil 8h, voilà, on peut pas faire plus à l'heure. Voilà, pire précision américaine, on va dire. Allez, on y va. L'actu, le sport, Rémi, la météo pour ce matin. Eh ben, c'est nuageux ce matin sur le nord, principalement avec des averses par endroits. On n'a pas trop de pluie aujourd'hui quand même, hein, sauf peut-être sur le sud-ouest ce matin. Mais ça ira mieux au fil des heures. Le soleil va revenir quasiment partout et surtout d'ailleurs sur la pointe bretonne et l'arc méditerranéen. Les températures actuellement, on a 13 degrés à Nantes, 14 à Saint-Etienne et à Lille, 15 au Mans, 16 à Bordeaux et à Paris, 17 à Lyon, 19 à Ajaccio, 21 à Marseille, 22 à Nice dans l'après-midi, 18 à Cherbourg, 20 à Caen, 21 à Lille, 22 à Beauvais, 24 à Paris, 25 à Nancy, 26 à Strasbourg, 28 à Limoges, 29 à Marseille et à Toulouse, 30 à Lyon et 32 à Valence. La pollution est largement respirable aujourd'hui, les indices compris partout entre 3 et 4. Avec toutes les infos sportives, l'Euro 2016 et le Tour de France, on en parle juste après l'actu. La nuit a peut-être été courte pour les 700 000 candidats au bac. Les résultats tombent ce matin entre 8h et 10h selon les académies. Comme chaque année, il y aura les heureux, les déçus et les sceptiques. Certains seront en vacances là dans quelques heures et d'autres devront aller au rattrapage dès demain d'ailleurs, puisque les euros commence là demain. 88% des candidats ont décroché leur bac l'an dernier. On verra cette année si ce bon résultat se précise. Et puis un bon plan, que vous ayez le bac ou pas, vous faites peut-être partie des personnes qui ne savent pas trop quoi faire après le lycée. Le salon de l'étudiant s'ouvre demain et pour deux jours à l'espace Champéret de Paris. Pas facile pour ceux qui habitent en province, mais l'entrée est totalement gratuite. Chacun pourra y trouver des conseils en orientation, des renseignements ou encore des séances de coaching et des aides pour rédiger des CV. La loi travail de retour sur les bancs de l'Assemblée. Les derniers débats doivent avoir lieu jusqu'à vendredi. Le gouvernement n'aurait toujours pas la majorité nécessaire. Le recours à l'article 49.3 n'est donc pas à exclure. Une bataille parlementaire qui donc se profile. Une bataille également dans la rue qui se poursuit. 12e journée de mobilisation à l'appel des syndicats. Le cortège parisien s'élancera de place d'Italie pour rejoindre Bastille. C'est la dernière manif de l'été selon Force Ouvrière. Mais cela devrait reprendre de plus belle à la rentrée. Un soutien de poids pour Hillary Clinton à 4 mois des élections présidentielles américaines. Barack Obama entre en campagne à ses côtés. Premier meeting conjoint aujourd'hui à Charlotte en Caroline du Nord. Un nouveau souffle qui peut s'avérer capital pour l'ex-secrétaire d'État. Sa cote de popularité est en berne et la campagne ne passionne pas les foules. En revanche, elle a toujours 5 points d'avance dans les sondages sur son rival républicain Donald Trump. Les infos mercato, et ça commence vraiment là à bouger dans tous les sens. Au rayon inattendu, c'est Blaise Matuidi qui a du souci à se faire du côté du Paris Saint-Germain. Il ne serait pas dans les petits plans là à Unai Emery, qui a pourtant dit hier en conférence de presse qu'il allait laisser une chance à tous les joueurs. L'arrivée de Krikoviak, qui sera titulaire avec Verratti, risque de pousser Matuidi vers la première ligue, même si rien n'est encore fait. Bafétimbi Gomis peut être de retour en Ligue 1. Le franco-sénégalais qui évolue à Swansea est pressenti du côté de l'OM sous forme de prêt. Sidi Bé à Monaco s'est fait. Le latéral du LOSC a trouvé un accord avec l'équipe du Rocher. Le transfert est estimé à 13 millions d'euros. Enfin, Higuain pourrait quitter Naples pour Chelsea. Le buteur napolitain refuse de prolonger son contrat et les Blues aimeraient bien en profiter. Le problème, c'est que le boss de Naples ne l'entend pas de cette oreille. Il rappelle que sa clause libératoire est estimée à 94 millions d'euros. Enfin, du tennis avec le tournoi de Wimbledon. Lucas Pouille se hisse en quart de finale. Victoire hier contre Bernard Tomic en 4-7, 6-4, 4-6, 3-6, 6-4. Qualification également pour Tsonga suite à l'abandon de Gasquet. Le Manceau affrontera Murray au prochain tour. Et toi, Rémi, ta clause libératoire est estimée à environ 2,20 €. Voilà, on passe l'info à toutes les radios qui voudraient t'embaucher. Bah voilà. C'était 1,50 €. Tu prends la valeur. Peut-être tout à l'heure, tu vas encore en prendre encore plus. On te retrouvera un peu plus tard dans la matinée pour l'actuel sport. À tout à l'heure. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers dead. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Shit. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. Yeah. We'll come home. Please, please, please. nothing either. Put a cock up. She a make bag a nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a gal is from a stanza forever. Bon, vos portables sont utiles. Vos portables sont utiles, mais peuvent également poser des problèmes. Mmh. Sachez que les portables font perdre la mémoire. Ah ouais? Ouais. C'est clair. Si, si. Non, mais je sais, ouais. Ah, t'étais, tu savais déjà. Elle s'en est rendue compte, Carriole. Comment je m'appelle? Tu t'appelles Carriole. Ah, oh, merci. Par exemple, aujourd'hui, tu connais plus aucun numéro de téléphone. Ils sont aucun. Tous... aucun. Si, moi, mais... je connais le tien. Tu veux que je le donne? Vas-y, Romano. Non, mais je le donne. Non, mais... Ah mais il ne connaît pas toi. Vas-y, vas-y, mon, avoc- vas-y. Mon avocat écoute l'émission. 06 76 60. Oui, oui, oui. Mon avocat a bien noté. Nous porterons plainte pour divulgation d'un numéro de téléphone sans la, l'autorisation de son propriétaire. C'est ça. Moi je connais le numéro de Carriole, 06 46. Non moi je connais qui? Mes parents, une copine. Moi mes parents je le connais pas parce qu'ils ont changé souvent. Mes parents, une copine et puis le numéro de la radio 601 53 40 20. Ouais, c'est ça, on le connaît tous celui-là. Je connais trois numéros de téléphone. Avant, j'avais un répertoire où je les notais tous à la main, au cas où ça m'arriverait justement de le paumer. Ouais, aujourd'hui, tu perds ton téléphone, t'as plus un numéro. T'as plus un numéro, j'en connais aucun, même sauf pas si le t'es mien. Un iPhone et que t'es cloudé. Cloud. Ouais, faut te clouder et que le cloud est. Ah, tout le monde le fait, ouais. Like cloud. En général. Oui, en pas général. Moi. Ouais, papa Carriole. Non, Carriole, elle ne fait pas parce qu'elle ne sait pas faire, oui. C'est vrai. Ça. Ouais. Il y a 32% qui estiment que leur téléphone, des Français, hein, qui estiment que leur téléphone contient tout ce qu'ils doivent savoir ou tout ce dont ils doivent se souvenir. Tout, c'est dans le téléphone. Genre, tu perds ton téléphone, tu perds une partie de ton cerveau. 58% des Français connaissent pas le numéro de téléphone de leurs propres enfants. Ah moi j'en ai, ah moi j'en ai pas donc moi non plus, non. Mais moi mes parents si je perds mon téléphone j'ai pas leur numéro quoi. Ah tu te rappelles pas le numéro de non parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que il y a des gens qui s'amusaient à appeler en fait en disant salut je c'est Cédric le Belge j'ai perdu le numéro de Romano. Ils appelaient mes parents, ils faisaient ça, donc mes parents à un moment donné ils en ont eu un peu marre, ils ont changé de numéro. Tu soupçonnes les auditeurs de Skyrock d'avoir fait ça? Non mais c'est sûr, c'était pas Cédric. Non c'est pas Cédric qui appelait mes parents pour avoir mon numéro. Romano, tu voulais faire quelque chose ce matin? Romano, oui, demander, on va appeler des familles, je vais leur demander de me fournir des numéros que je n'ai pas parce que les renseignements ça coûte cher, j'ai pas internet, c'est la galère. Ouais, puis tu te souviens même plus du numéro des renseignements. Ah ouais, je peux souviens plus de rien. C'est quand même fou ça. Ah, dingue. Allez, on sort le téléphone là. Allez. En direct et sans filet, le romanophone, seulement sur Skyrock. Oui, seulement sur Skyrock. Alors, les Français sont-ils serviables? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Vous avez un problème de téléphone, vous demandez aux Français. Ils ont un annuaire, les gens, encore. Quoique. Mais ils le distribuent encore, hein. Ouais, moi j'en ai pas d'annuaire, moi. Ils te distribuent pas des fois en bas de ton immeuble? Bah, si, mais je le laisse. Moi, je prends pas, ouais. Oui, oui, allô. Allô, Alain. Oui, bonjour, Alain. Oui. Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger. En fait, j'ai un petit problème là. Je n'ai plus assez de forfait pour appeler les renseignements téléphoniques. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro d'une boucherie, s'il te plaît? Boucherie? Oui. Tu peux chercher chez toi là avec les renseignements, tout ça? Le numéro d'une boucherie, je crois pas te le dire, non? Ah, cherche, je sais pas, allume ton ordinateur, bouge pas. C'est qui est à l'appareil? C'est Monsieur Lapince là. Monsieur Lapince? Ouais. Tu peux chercher là vite fait? Mais c'est qui ça, monsieur? Je ne connais pas. Ah bah oui, mais j'appelle au hasard, parce que là, je suis perdu dans le coin, et j'ai très envie d'aller dans une boucherie. Vous êtes où exactement? Je suis pas loin de chez toi, là, je suis à 100-200 mètres. À la rue de la Tour-Blanche? Exactement. Oui. À la limite, le mieux serait peut-être que je vienne directement chez toi. Hein. Bah, il y a une boucherie, il y en a une là, au Champion. Hein. Ah mais non, mais elle est fermée aujourd'hui. Champion ? Ouais, fermé Champion. Carrefour est pas fermé là. Ah bah si, Carrefour aussi est fermé aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a là avec les grèves, tout ça. Après, il y a une dans la rue Saint-Omer, au bout de la rue Saint-Omer. Ah ouais, celle-là, elle est bien ou pas, celle-là ? Le Grand, oui, est pas mal. Ouais, après, pas mal. Après, il y en a une, disons, boucherie-charcuterie sur du côté de la Grand Place. Mais ils ont du bon pâté ? Ouais, ça arrive quand une connerie, ça. Non, mais pas du tout, je voulais manger du pâté ce matin-là. Non, bon, écoute, je viens chez toi et puis on va chercher ensemble. J'ai pas le temps, de toute façon, je veux partir. Non, mais si, tu m'emmèneras à la boucherie que tu connais, non, là. Non, pas question. Ah si, bah allez, fais pas le radin, tu me présentes la bouchère. Non, je m'en vais, de toute façon. Bon, bah je t'attends devant la porte. Non, y'a pas de problème, je m'en vais, je bouge pas, de toute façon. A tout de suite. Je m'en vais, mais je bouge pas. Bon, allez, t'es tout paniqué, je viens chez toi, on va prendre un café ensemble. Non, de toute façon, j'ai pas le temps, là. Mais si, t'as le temps, t'as dit que tu bougeais pas. Ah non, je m'en vais. Bah oui, mais en bougeant pas. Mais sans bouger. Bon, allez, je viens chez toi et puis on voit ça ensemble. Ouais, c'est ça, rien à vous faire, ouais. Ah, merci, c'est gentil. Je t'embrasse. Lui, il est super parce qu'il fait pas renseignement téléphonique, par contre, il fait GPS. Ah, GPS, il connaît toutes les boucheries du coin. Champion, Carrefour, à l'autre, au bout de la rue Saint-Omer, et pas mal. Il a un quart de toutes les boucheries. 6h-9h, moi les shows. Le morning de Default sur Skyrock. Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now you used to be thirsty for me, but now you wanna be sad. Love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it, till they have a kiss, can a check on your mind and it's nothing but me. On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be set free. This is the web that you weave. I'm gonna love you.

les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. De Rihanna sur Skyrock, elle pose sur un son de Calvin Harris. Vous restez bien à l'écoute, hein. Dans moins de 20 minutes, je vous donnerai le top inscription officiel de la première roulette de la matinée, avec à l'intérieur vos places pour le grand Skyrock Tour de Rihanna à Nice, à Lyon, à Lille et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. Les 8h23, il y a Fatou qui voulait des places pour Rihanna. Fatou qui se réveille pour aller voir les résultats du bac. La même pour Louis 26. Il dit ça serait bien que tout le monde ait le bac cette année. Bah, au moins les auditeurs de Skyrock, hein. Louis, on te souhaite un gros merde pour ton bac et tous ceux qui se réveillent pour aller mater les résultats. Morning Best qui se poursuit. De la déconne jusqu'à 9h du mat avec Difool et Romano, les meilleurs moments du morning. On se fait un nouvel épisode maintenant et Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Le chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et on empoche la thune. Et ouais, 300 euros à gagner tous les matins dans le chronotune sur Skyrock, dans le morning qui vous offre le plus de thunes. Ouais. C'est Hugo qui va tenter de gagner. On file à Aix-en-Provence. Bonjour Hugo. Salut Hugo. Bonjour tout le monde, salut l'équipe. Salut à toi. Hugo. Salut Hugo. Salut, salut. Alors Hugo, on va surtout envoyer de l'argent puisque tu as 300 euros sur ton compte. T'as trouvé la bonne réponse à la question que j'avais posée. Ah, vous avez cherché, hein. Comment il a fait le papa

C'est aux États-Unis et découvert sur Skyrock. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Morning Best. 6h-9h. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Des déconnes et du son, c'est tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. Les meilleurs moments du morning de Default, il est tout pile 6h, 8h30. Voilà, 8h30. On est mardi matin, le 5 juillet. On a encore l'impression que c'est long hein, pour aller jusqu'au week-end. Nous, on est là pour vous encourager, vous remonter le moral avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le morning de Default. Quelle est la région la plus chauvine? Qui est le plus fier de sa région? On va parler de tout ça juste après l'actuel le sport. Je vous annonce également l'arrivée de Jason Statham pour le réveil de Star, ça sera d'ici à 9h. On se mettra du rap US aussi. Designer, la chanson du panda juste après l'actu et le sport. Rémi, le temps? Ouais. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Bon, c'est moyen. Bon, ce matin, c'est nuageux, c'est même gris là sur le nord, avec des averses possibles par endroit. Pas trop de pluie, si, peut-être un petit peu quand même dans le sud-ouest ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va aller mieux au fil des heures et puis que cet après-midi, le soleil va s'imposer quasiment partout et principalement sur la pointe bretonne et sur l'arc méditerranéen. Vous allez pouvoir en profiter. Les températures ce matin, 13 degrés à Lorient, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Limoges, 16 à Paris, 17 à Lyon, 18 à Toulouse, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 à Brest, 21 à Lille, 22 à Alençon, 23 à Nantes, 24 à Paris, 25 à Bordeaux, 27 à Nevers, 29 à Marseille, 30 à Lyon et 33 à Manosque. La pollution est largement respirable aujourd'hui, les indices compris partout entre 3 et 4. L'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes et là c'est parti pour l'actu. Et l'équipe de France qui se prépare à affronter la montagne allemande après avoir éteint le volcan islandais. Journée de récupération hier, grosse session d'entraînement prévue aujourd'hui à Clairefontaine avant de partir pour Marseille. Didier Deschamps va faire bosser tout le monde pour optimiser les secteurs de jeu. Reste à savoir quelle équipe sera titulaire jeudi. Le coach se laisse le temps de réfléchir. Il n'exclut pas de reconduire la même formation que contre l'Islande. L'angoisse devant les lycées pour des milliers de lycéens ce matin. Les premiers résultats, ça y est, sont affichés depuis 8 heures. Et les 700 000 candidats connaîtront les résultats du bac d'ici 10 heures pour les autres académies. Comme chaque année, il y aura les heureux, les déçus, les sceptiques aussi. Certains seront en vacances dans quelques heures. D'autres devront encore bosser, notamment demain avec les oraux du rattrapage. 88% des candidats au bac ont décroché le diplôme l'an dernier. On espère cette année que le résultat sera au moins aussi bon. Encore un peu plus de 24 heures de jeûne pour nos amis musulmans. L'Aïd El Fitr qui marque la fin du ramadan sera célébré demain. Annonce faite par le Conseil français du culte musulman. Comment lutter contre la menace terroriste? Rapport très attendu d'une commission parlementaire qui sera remis aujourd'hui au gouvernement. Il comporte 39 propositions concrètes. Des failles de sécurité sont clairement pointées du doigt. 8 mois après les attaques djihadistes les plus meurtrières qu'a connues la France. Une découverte macabre hier dans un village non loin d'Orléans. Un père et sa fille de 6 ans retrouvés pendus dans un jardin. Le père était allé chercher sa fille à l'école vendredi dans le cadre de son droit de visite. Plus aucune nouvelle n'a été donnée depuis, ce qui a poussé la police à enquêter. Une lettre a été retrouvée au domicile de l'individu où il explique son mal-être lié à sa situation familiale. La suite de la grande boucle avec une victoire hier à Angers de Mark Cavendish. Il a fallu regarder la vidéo au ralenti pour être sûr que c'est bien lui qui s'impose. Belle perf du sprinter français Brian Cocker qui termine 3e. Peter Sagan reste en jaune. Place aujourd'hui à la 3e et plus longue étape de ce Tour de France version 2016. Les coureurs vont parcourir 237,5 km entre Saumur et Limoges. Et puis l'équipe de France de basket prête à en découdre à Manille. Les Bleus jouent à partir d'aujourd'hui leur tournoi de qualification olympique. 4 matchs très importants jusqu'à dimanche et défaite interdite. Première rencontre contre les Philippines à 15h. Allez les Bleus, on est derrière eux, bien évidemment. Des poteaux, Nando Docolo, Tipeee, Nicolas Batum, ils sont déjà venus à Skyrock. Boris Dio, et qu'on a déjà eu à l'antenne. Et toi Rémi, demain matin, tu seras là? Eh ouais, toujours. Au taquet. On est là. De bonne heure, de bonne humeur. À demain Rémi. Les meilleurs moments du morning de Default. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. On parle des régions avec Default et Romano juste après Designer. La chanson du panda.

Ouais, bah le Mont-Saint-Michel, il va nous revenir grâce au barrage normalement. Donc toi, tu vas récupérer le Mont-Saint-Michel. Attention, il y a Céline, elle veut te piquer ton Mont-Saint-Michel, Tiffany. Bonjour, non, c'est Jean-Pierre Perdon. Non, c'est impossible. Ouais, mon reportage au Mont-Saint-Michel avec la mère Poularde. Eh bien, alors sachez que parmi vous deux, il y en a une qui est dans la région... Moi je dirais que c'est les Bretons, moi. Ou qui est la plus chauvine. Ah, les Bretons. Ah, les Bretons. Les Bretons, non, les Bretons. Et les Corses aussi. Alors, les Bretons, les Corses, Bretons. C'est les Bretons, ouais. Ah. 95% des Bretons sont contents de vivre dans leur région. 89% des Normands aussi. C'est pas mal, les Normands, tu as vu? Ouais. Ouais, pas mal. Les pas Normands. Alors, pas ceux qui sont le moins fiers de leur région, devinez qui c'est. Les Parisiens. Les Marseillais? Les Parisiens. Quoi? Non, les Parisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement 73% des Franciliens, ceux qui habitent en Île-de-France, ouais, sont contents de vivre dans la région parisienne. Autrement, tiens, on va faire un petit tour de France. Pour le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, c'est 80% des Nordistes et des Picards. Un collet chauvin! Il y en a 20% qui sont pas contents, mais 80% qui sont contents. 86% des Salsaciens, des Lorrains et des Champagnais, Noir, je ne sais pas comment on dit. Champagne-Ardennes. 86%. Après, on retrouve le centre et le Val-de-Loire à 84%. La Bourgogne, Romano, et la Franche-Comté, 87% sont contents d'habiter. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, c'est difficile. Ça dépend où, quoi. Ça dépend de tout. D'après ce que tu nous dis, ouais. Et après, on atteint des sommets avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 90% des habitants de la Provence. Ah, moi, j'aimerais bien habiter là-bas. Ouais, il fait beau, hein. Sont contents. 91% en Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes sont contents d'y habiter. Et attention, le summum, à part les Bretons, au summum, on retrouve les Pays de Loire à 91%, mais surtout... La Corse. Non. L'Auvergne, Rhône-Alpes, ma région, à 92%. C'est tellement magnifique. Saint-Étienne, le Lac-Grand-Jean, Lyon, c'est les Alpes. Affreux, bah, attends, t'as les Alpes, t'as l'Auvergne, c'est super. Ah bah l'Auvergne, j'étais au lac Chambon, là. 92%, ils sont contents. Ah bah là. Et 92% aussi en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ah là, c'est mieux déjà. Et c'est pas mal. Et les Bretons, donc vous avez la palme. Bravo, bravo les Bretons, les Bretons. Bravo. Ouais. Gros bisous Céline, gros bisous aussi Tiffany, on vous embrasse les filles. Hein. Bisous à toute l'équipe. Salut, salut. Ciao. Et vous revenez quand vous voulez, hein. On vous envoie un petit cadeau, raccrochez pas. 6h-9h, oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour. Propre fantôme, face à moi-même, je pleure comme un mot. Je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. Toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Passe-moi, réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Et dans les rues, elle t'abandonne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Et repart en tournée Skyrock à partir de la rentrée. Maître Gims sur Skyrock avec Ma Beauté. Il est 9h moins le quart pour la suite du Morning Best avec Guy Foul et Romano. On prépare le réveil de star de Jason Statham. On va utiliser sa voix, sa barbe et ses gros pecs pour réveiller une famille prise au hasard. L'horoscope de l'amour aussi en prépa. Et la roulette, la première de la matinée. Première chance de repartir avec vos invités pour la tournée que tout le monde attend. Rihanna débarque dans 10 jours en France. J-10. On en parle depuis des mois. Ça y est, ça arrive. Rihanna qui sera le 15 juillet à l'Allianz Riviera de Nice. Par la suite, elle va passer par le Parc OL du côté de Lyon, au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et au stade de France à Paris-Saint-Denis. Question, qui veut ses invites pour Rihanna? Vous êtes chaud, vous êtes au taquet, vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone 41 7 5 9. Je rappelle à tous les nouveaux auditeurs que c'est un tirage au sort parmi tous vos messages. Top inscription, c'est maintenant, vous tentez votre chance. Prénom, numéro de téléphone 41 7 5 9. L'horoscope de l'amour et Florida aussi avec Maya dans 1 minute 06. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la loose. Pour Lidl ? Mais pour nous, oui. Parce que dès demain, pour fans de barbecue, les 4 saucisses de Toulouse d'origine France sont à 2,75€ les 480 grammes. Moins de 70 centimes la saucisse. 4 saucisses de Toulouse à seulement 2,75€. Toulouse hors de Toulouse, telle est la question. Moi j'ai la réponse, hein. Direction Lidl, oui. À ce prix-là, les saucisses de Toulouse, moi je les invite toutes à mon barbecue. Eh ben on est mal. Hein. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,73€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé! Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial. SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40 Giga à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prix sans mobile, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. 6h-9h sur Skyrock, Morning Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Avec les meilleurs réveils de stars et la voix de Jason Statham, on l'a préparé pour réveiller les familles. Juste avant, c'est parti pour votre horoscope de l'amour. 8h47, on est le mardi 5 juillet. Malheureusement, 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les taureaux et pour les scorpions avec l'ADN de la loose qui pourrait ruiner vos chances. 1 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les verseaux avec pour les filles le risque de croiser un bon gros relou, un bon dragueur comme on les déteste. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers. Et pour les lions, vous aurez tout un tas de choses hyper compliquées à comprendre. 3 sur 5, les balances et les poissons et des confidences qui pourraient vous surprendre et vous faire du bien. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et pour les cancers avec un mental et une confiance qui forceront l'admiration. Et enfin, les sagittaires et les capricornes qui auront la sensation d'être une sorte de super-héros qui sauve des vies et qui centralise toutes les attentes. Les Sagittaires et les Capricornes. Félicitations, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning Best qui continue. Vous retrouvez Difool et Romano maintenant avec le réveil de star et avec Florida aussi pour My House. Et tout de suite, comment ça fait de se réveiller avec le grand Jason Statham? Bonjour Jason, sur une grosse voix, ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Difool de Skyrock. Règle numéro 2. Oui. Pas de nom. Ah, pas de oula, bah oui. Alors je suis qui? Je ne sais plus quoi te répondre. Je pose des questions, tu réponds aux questions. Oui, mais je ne sais pas quoi dire si tu veux que je lui dise. Il est bizarre ce Jason Statham. Il est bizarre, hein. Il est bizarre, ouais. On a décidé de mettre en contact Jason Statham et des Suisses. Oui, on a réveillé des Suisses. Ou bien. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Voici donc tout de suite Jason Statham du transporteur et le Suisse Christian et la famille de Christian. Ouais. Elles en ont de la chance, elles parlent à des stars. C'est tous les matins sur Skyrock. Allô? Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Qui c'est qui appelle? Règle numéro 2. Pas de nom. Eh oui. T'as chiant si tu n'oses pas dire ton nom. T'es une petite merde. Oula. Je pose les questions, tu réponds aux questions. C'est énervé les Suisses. C'est quoi la question? Je suis dans quel genre de merdier? Tu rigoles ou bien? Ou bien? Je suis un ex-militaire. Ou bien? T'es un ancien militaire de quoi? De mes couilles ou bien? Ou bien? Bien sûr. Moi, quand j'étais militaire, je m'annonçais. Je vais sortir mon couteau. Mais viens, sonnez devant ma porte. Pourquoi? Mais je vais te trouer le cul, mon groin. Mon groin? T'en prie. Mais viens. Moi, j'ai encore mon fusil, j'ai encore... Mais j'ai tout ce qu'il faut. Soyez plus précis. Ben, je vais te trouer le vent, déjà, hein. Bonne chance. Ouais, allez, va te faire mettre. Ah. Va te faire mettre par ta femme. Tu dis qu'elle met ta femme, ce qu'elle peut faire, elle se met un petit goût de Michel. Oh. Pelle ton cul. Ouais. Parce que je crois que c'est une gonzesse. Affaire conclue. Affaire conclue. Putain, ils sont chauds les Suisses, dis-donc, là. Ou bien, ils en veulent, hein. Ils sont chauds ou bien? Ouais. Mais oui, ils sont chauds ou bien? Petite proposition sexuelle. Et c'est un ancien militaire suisse. Ah ouais. Très vif. Et ouais, très, et lui très se présentait quand il était militaire. Oui, il se présentait quand il était militaire. Bon, les présentations ne sont pas terminées. On a rappelé Christian. Christian, toujours avec Jason Statham. On va peut-être découvrir la famille de Christian. Et ta femme, elle n'a pas trouvé son vœu de Michel? Ah, non. Ah ben viens, mais je vais trouver le cul moi-même si elle n'arrive pas à le faire. C'est gentil. Mais viens, viens, c'est moi, viens. Je ne sais toujours pas si je préfère tout savoir de toi ou surtout ne rien savoir. Mais donne-moi ton nom. Je suis un ex-militaire. Ça, oula. Je suis un militaire. Mais t'es un militaire de quoi? Mais t'es un militaire de quoi? C'est un Affaire conclue. Affaire conclue. Les flics. Mais non, mais attends, je vais te flinguer. Mais attends, je vais te flinguer, mon gars. Viens, sonnez chez moi. Soyez plus précis. T'es chez toi sur ton canapé, t'es en train de te masturber, toi. T'es une petite gondesse. Mais il est chaud. Et puis tu te fais un petit fantasme. D'accord? Ouais. Oui, je t'en prie. Silence! Merde. Ça veut dire que vous ferez rien. Non, ils feront rien d'autre. Non. Hey, quand Jason Statham dit silence, tout le monde se tait derrière. Ah oui. Hein. Ouais. Même la femme qu'on excuse parce qu'elle était en pleine crise de démence. Oh, elle est folle. En pleine crise de nerfs derrière. Je sais pas ce qui s'est passé. La femme était. On ne comprenait pas tout. J'ai compris. Collard. Ouais, elle a pété les plombs. J'ai également entendu pauvre merde. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre autres. Bon, remercie la famille suisse ce matin qui a eu l'honneur de se réveiller grâce à Skyrock avec Jason Statham. Et ça, c'est quand même la super. Classe. Ah ouais, super. 6h-9h, oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control. We can't even slow down. We don't have to go all out.

rock, rap et R&B non-stop. We used to talk till